Hey, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, vous allez bien Riley? Très très bien, je suis très content de vous retrouver tous les deux ce soir. Et Clément, comment il va Clément? Pas terrible. Pas terrible. Socialement, on est obligé de dire ouais, ça va. Ouais. Voilà, donc on va faire comme si ça allait bien, parce que sinon les gens vont se barrer. Hein, ils veulent pas écouter des dépressifs dans un micro. Exactement. Hey, nouveau numéro. Donc c'est l'épisode numéro 32. Ouais. 32. Je suis donc accompagné de Riley, qui vient. C'est une nouvelle que je vous annonce, qui vient d'être nommé tout nouveau ministre de la Bretagne dans ce nouveau gouvernement. C'est cool. Il y a aussi Clément, notre tout nouveau ministre de la culture américaine des années 80. Tout à fait, bonsoir. Et je suis très honoré, ministère indispensable, très fier de vous annoncer qu'en totale exclusivité que je viens d'être nommé moi-même à l'instant le nouveau ministre du barbecue. Oh. Et ça, on est assez content. Bravo, on sait que c'est la saison. C'est... Voilà. Donc... non. On est dans là-dessus. Ce là, sera il le... faut le dire, hein, il a mis un visuel, selfie de Macron à la télé. Hein, ce sera l'année du selfie. Bravo. Tous nos visuels seront sponsorisés par l'État français et par les selfies du président de la République. C'est un selfie de Macron avec la classe de Alexander et Willow derrière. Comment allez-vous, messieurs? Messieurs les ministres, ça va bien? C'est écoutez, ça, en ces temps agité, oui, je suis excité par les perspectives. Donc pas d'invité aujourd'hui, hélas, hein, c'est un épisode A3, à l'ancienne, comme dirait le 113, et parce que c'est une sorte de rentrée pour nous, puisque ça fait quand même 3 mois qu'on n'avait pas fait de podcast. Hein. On avait fait des hors-série quand même. On avait fait des hors-série parce vous avez préparé l'avance. On est des gens professionnels, mais concrètement là, ça fait presque 3 mois qu'on n'a pas enregistré, donc peut-être ce sera nul hein, le podcast. On prévient les auditeurs. Il faut qu'on se remette dans Buffy. Donc vous inquiétez pas. On n'a même pas regardé Buffy pendant 3 mois quasiment. Quasi pas. Le sommaire, monsieur Riley, de quoi allons-nous parler ce soir? Alors déjà, on va faire des gros bisous parce que effectivement 3 mois, il s'est passé plein de trucs. Hein. Il y a plein de gros bisous à faire. Ouais. Et ensuite, on va faire les commentaires audio de Earshot, épisode 18 de la saison 3, Voix intérieure en VF. Excellent épisode, on va en parler bien sûr. Tout à fait. Et donc on va parler du pouvoir de lire dans les pensées. On va aussi parler de la jalousie, de l'égoïsme et la solitude de Shakespeare, hein, comme d'habitude. Et de sexe, hein, bien sûr. On parlera également d'enquête policière. Et puis dans les systèmes Buffy du MSA, on évoquera un film, je crois, plusieurs films, des séries également. Et des podcasts. Ouh, ça va être très très bien. Je vous rappelle, pendant qu'on se remet bien, le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct, live, pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et tous les sites que vous utilisez pour écouter vos podcasts. Et même, si vous voulez regarder la vidéo, on est sur Dailymotion. Nouveau partenaire. Notre nouveau partenaire, il ne sait pas qu'il est partenaire de nous, mais très bien. Oh bah si, il compte sur nous, vachement. Le blog, de toute façon, pour si vous voulez récupérer tous les liens, tous les articles, chaque podcast, c'est pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. On n'a pas salué le chat et il y a Lily est scandalisée. Il n'y a pas de ministère de la Sarthe. Il y a un ministère de la Bretagne, classique, mais pas de la Sarthe. Parce qu'il y a un projet de sécession de la Sarthe. Ah oui. Et, donc, vous devenez indépendant. C'est un cabinet noir, comme dirait. Ah bah, le président est tout trouvé, en tout cas, ça c'est bien. Tout à fait. On peut faire des gros bisous, avant les gros bisous, à nos partenaires, les deux sites qui font vivre la communauté Buffy, même 20 ans après le début de la série. Slayer Revival et Buffy Angel Show, on vous fait d'énormes bisous. Gros bisous. Et j'ai envie de dire transition. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Alors aujourd'hui, super jingle. Un milliard de gros bisous. On va commencer par forcément les gros bisous iTunes. C'est nos auditeurs préférés. Ils laissent 5 étoiles. Ceux qui nous mettent 5 étoiles et des commentaires, on les aime d'un amour très très fort et sincère. Donc deux énormes bisous à nos contributeurs de la semaine, Cyriel, qui nous dit que les lives sont épiques. Donc on va essayer de pas la faire mentir. Un autre commentaire et 5 étoiles aussi de Petit Cactus, Ah oui, bah oui. Qui nous dit qu'on est un podcast sartois de fort bonne aloi et je suis quoi. Ah bah, rien que pour l'expression de fort bonne aloi, voilà. Cette personne mérite un gros bisou. Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ça. On fait aussi des gros bisous à Ange VLD, Sabani, Jujute, Miaou Scrud et Noël qui nous ont fait des petits commentaires, des petits messages sur les réseaux sociaux. Des gros bisous aussi, ah oui, au présent. Alors bah là, j'étais pas là, mais Riley et Clément était là et vous avez rencontré beaucoup de fans de Buffy à la conférence Buffy de Sérimania. Tout à fait. Ouais. Excellent. Racontez-nous ça les gars. Conférence très cool, il y avait plein de fans de Buffy, c'était au Forum des Images à Paris. Et c'était le thème un classique, Buffy un classique, analyse d'un classique. Avec une brochette d'invités de choix quand même, on peut dire. Non mais super soirée, puis après on a bu des coups avec les fans à côté du Forum des Images, c'était cool. Cette conférence est visible sur les internets, hein. Donc pour ceux qui sont pas au courant. On l'avait partagé je pense. On l'avait partagé éventuellement, on la remettra sûrement dans l'article. Mais oui, allez voir cette conférence, très très cool. Et en parlant de ça, vous avez fait autre chose pendant que j'étais pas là. Un truc génial, on était à Paris Manga. Vous avez profité que j'étais pas là pour faire beaucoup de choses. On a rencontré les acteurs de Buffy, quoi. Pardon. Tout simplement. Qui ça? Vous avez voilà. Raté les acteurs de Buffy. Donc il y avait Nicholas Brandon, James Masters. Pardon. Ouais. Justin Sutherland. James Masters habite pratiquement en France. Ça, il fait pas mal de conventions. Et tous les deux mois, il est dans une convention en France. Et bon, on l'a revu. Et il y avait. Charisma par Carpenter. Charisma Carpenter, voilà. Ouais. Et non, donc, Cordélia. Que j'ai rencontré. Ouais, je connais. Non, mais j'ai loupé Cordélia. Il y avait Cordélia. Vous me dites que j'ai loupé Cordélia? Oui. Voilà. Oui. Je quitte. Et donc, il y avait un max de fans de Buffy, c'était génial. On a vu tout le monde qu'on croise d'habitude dès qu'il y a un événement Buffy, c'était mortel. On va faire un gros bisou à quelque chose qui s'appelle Buffyesque. Qu'est-ce que c'est Buffyesque? Alors, Buffyesque, qu'est-ce que c'est? C'est un site de Buffy Studies avec plein d'articles sur Buffy qui a été monté par Carole. Donc, gros bisous à Carole. Et qui est partenaire avec nous sur son site et nous fait de la pub. Puis elle nous mis notre article qu'on avait sorti dans Clap. Alors voilà, donc t'expliquais ce que c'était les Buffy Studies. Ouais, c'est les Buffy Studies, c'est des articles de fond d'analyse sur la série, quoi. Donc il y a des articles de Carole, des articles de nous. Donc, de nous, de Gauthier, des gens de Clap. Et donc c'est ouvert, voilà. C'est ce qu'on voulait dire, c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est participatif, les copains. Et Carole recherche des plumes pour écrire des articles sur le site, donc n'hésitez pas à lui proposer des articles, des analyses, tout ce que vous voulez sur Buffy. Est très. Elle propose aux Buffy Studies de se rassembler. Exactement. C'est peut-être le moment, quoi. Buffy Studies à la fin de 16. À la fin de 16. Et donc Buffyesque.com. De Buffyesque.com. Et pour envoyer des messages à Carole, peut-être des idées de contribution ou des choses que vous avez déjà écrites éventuellement, un petit mail à contact.buffyesque@gmail.com. C'est cool ça quand même. Ça a l'air très cool, c'est une très belle initiative. Et elle a sorti ça le jour des 20 ans de la série. Oh là là, quel sens du timing génial. Mais oui. Si on passait tout de suite à la rubrique sondage. Bah non, parce que j'ai un gros bisou. Pardon, comment vous avez un gros bisou? J'ai un gros bisou, un tout petit gros bisou, mais en fait il s'intègre un peu à tout ce que tu as dit tout à l'heure. C'est à Aurélie, je peux pas dire son nom parce qu'on va pas dire son nom, voilà, mais sur Facebook, elle nous a fait une pub en disant que c'était absolument génial. Elle faisait le parallèle entre la série et l'expérience de la vie. Donc un gros bisou à Aurélie. Et moi j'ai envie de faire aussi un gros bisou à Big M avec qui on a bu des coups aussi à Paris et c'était très cool. Effectivement, Big M, on s'en est collé 2-3, c'était sympa. Il est encore là ce soir avec nous donc ça fait plaisir sur le chat. Un gros bisou à Big M. Tout de suite, les sondages. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Ouh là là. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Pas du tout de sondage. Riley, certains, il n'y avait pas du tout. Comment ça, pas de sondage? C'était une énigme de Tonton Giles. On arrête 3 semaines et c'est tout part à volo. Tout part à volo. C'est ça. Énigme de Tonton Giles, totalement génial, comme d'habitude. Donc la bonne réponse, c'était que la porte était fermée. Vous vous souvenez des énigmes? C'est génial parce que quand tu te souviens pas de. Non, mais je vous invite à réécouter. Non, mais oui, sinon. Mais par contre, je vais pas refaire l'énigme, c'est trop long. Mais par contre, il se rappelle plus de son énigme, c'est génial. Mais si, mais je l'ai écrite là, je voulais que je vous la relise. Non, en tout cas, c'est une perte de temps. On a bien compris que tu. L'énigme, elle est sur le site, allez la lire, j'ai envie de dire. Je t'en rappelais plus du tout. Ok, mais c'est la porte. Alors, la porte était fermée. Donc, c'est pour ça que c'est un meurtre. Déjà, il avait raison. Et donc, si tu répondais à cette question, tu avais le droit de participer à la question bonus. C'était ça le cadeau? C'était savoir le nombre de mots qu'il y avait dans le jingle, parce qu'il y a un nouveau jingle, t'as tout loupé, un nouveau jingle énigme de Tonton Giles. Ouais. Ah mais si, il fallait deviner le nombre de mots qu'il y avait dans ce jingle. Ah, et donc c'est Christelle qui gagne cette énigme. Elle a dit 67, mais joué, c'était 64. Mais comme c'est pareil. C'était la plus proche. C'est pareil. Voilà. Sur le nombre monstrueux de personnes qui a répondu, c'était la plus proche. Donc gros bisous à Christelle qui gagne l'énigme tonton. Genre. On va tout de suite passer maintenant à l'épisode du jour. I'm cowboy guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Aujourd'hui, on parle de Earshot. Voix intérieure en VF, épisode 18 de la saison 3. Alors Earshot, qu'on aurait pu traduire dans un bon français par champ d'écoute ou zone d'écoute, mais c'est plutôt voix intérieure. Moi j'aime bien cette traduction pour le coup. Les traducteurs se sont pris pour Victor Hugo carrément, c'est un peu foufou. Donc c'est donc l'épisode 18 de la saison 3. Il est écrit par Jane Espenson et réalisé par Regis Campbell. Kimball. Alors Jane Espenson, on la connaît, hein. Pour ceux qui se rappellent pas, vous avez qu'à écouter les 50 épisodes qu'on lui a déjà consacrés. Mais pour Régis, on veut bien un petit IMDb, parce que Régis c'est un con hein, déjà, et on veut bien un petit IMDb, parce que je sais que tu penses à ça. Bouton rouge. Parce que ouais, Roger, on l'a jamais, Régis, on l'a jamais vu. On a jamais, non, évidemment. Riley, vous avez fait des recherches. Moi, ça m'a marqué dès que j'ai vu Régis. Sur Régis. Ça, IMDb, bien sûr, le meilleur site. Ouais. Et Régis, figurez-vous qu'il n'est pas du tout réalisateur. Non. Il est monteur. Ah merde. D'accord. Il a réalisé plein. En fait, il a monté plein d'épisodes de série. Il a réalisé que deux choses. D'accord. Cet épisode et un épisode de Angela. Ah bah. Qui s'appelle Eternity. J'ai noté. Je ne sais plus. C'est en saison. Hein, voilà le épisode 17 de la première saison. Mais oui, son vrai métier, c'est monteur. Ouais, c'est un vrai monteur et ça se ressent dans l'épisode. C'est très très bien monté cet épisode. On va en parler après, ça, j'imagine. Mais du coup, est-ce qu'il montait les épisodes d'avant? Il a monté plein d'épisodes de Buffy. Il a monté un milliard. D'épisodes de Buffy, de True Calling, avec Elisa Dushku, American Horror Story. Okay. Et là, en ce moment, il bosse sur Fargo et Légion. Qui sont deux séries un peu à la mode, là, qui sont cool, hein, d'ailleurs. Noah. Fargo, Oli. C'est génial. Voilà, donc. Bravo, Régis. Bon, et là, niveau mise en scène, on peut le dire tout de suite, c'est quand même pas mal cet épisode. Bah oui, il est bien. On va en parler ? On en parle après. On en parle après. Earshot a été diffusé pour la première fois le 28 septembre 1999. Et là, c'est intéressant. C'est là, je vous... Ah, parce que là, c'était chiant un petit peu, j'avoue. Non, mais c'est parce que je vous donne, je vous donne souvent la date de diffusion. Et pour une fois, c'est un intérêt. Et il y a une très grande importance à cette date. De diffusion. Donc je répète, le 28 septembre 1999 et non le 27 avril comme c'était prévu au début. Donc la saison 3, elle a été diffusée donc de septembre à mai-juin, de septembre 98 à mai-juin 99. L'épisode précédent, Enemies, de la saison avait été diffusé le 16 mars et celui d'après, qui est Choices, était prévu donc pour le début mai, pour le 4 mai. Et le 27 avril, donc, il était prévu que soit diffusé l'épisode Earshot. Sauf que, en une semaine avant, le 20 avril 99, il se passe quelque chose de pas cool du tout, qui est la fusillade dans le lycée de Columbine, dans le Colorado, je crois, je fais de tête, je ne suis pas sûr du tout. Donc, événement extrêmement tragique et choquant, hein, qui a choqué le monde entier, évidemment les États-Unis. C'est à Little Town, dans le Colorado. C'est ça, voilà. Et donc, vu que l'épisode qu'on va voir, que j'espère vous avez vu, hein, avant de nous écouter. Oui, sinon c'est un spoil. Sinon c'est un énorme spoil. Mais alors, je vous préviens. Il y a une histoire de lycéen avec un fusil. Oui, puis on spoil l'épisode, donc voyez-le avant de nous écouter. Hein. Y a une histoire très importante d'un élève qui vient au lycée avec un fusil, dans l'optique, on le croit, enfin c'est quoi, le Scooby Gang, on le croit, de tuer des gens. Donc il y avait un lien évident entre l'événement tragique qui était arrivé une semaine avant. Et donc la chaîne a préféré annuler, ne pas diffuser l'épisode. Et voilà. À la place a été diffusé. C'était une rediff. Ils ont mis une rediff. Bad Girls, je crois. Oui, voilà, c'est Bad Girls, épisode 14 de la saison 3, donc épisode qui avait déjà été diffusé quelques mois avant, quelques semaines avant. Et donc c'est pour ça que l'épisode Earshot a été pour la première fois diffusé aux États-Unis le 28 septembre, donc juste avant le début de la saison 4 en fait. Donc pas du tout au bon endroit. Donc voilà, donc c'était important de le préciser. Et on vous dit que c'est un sujet hyper important. Dans c'est un sujet très important. Enfin, l'épisode, ouais. Et c'est important de resituer le truc dans le contexte parce qu'on va voir que donc dans l'épisode, ils parlent à un moment donné, Cordelia, Oz et Willow parlent de cette hélas presque tradition des Américains ou ces événements qui arrivent trop régulièrement aux États-Unis. Et c'était déjà arrivé dans des établissements scolaires, mais là, ce qui s'est passé à Columbine était une telle vingtaine de morts. Non, 80. Pourquoi c'est 12 lycéens. Et... Non, la fusillade. Ouais, c'était 99. 99, oui, pardon. Oui. Non, c'est le 2001, c'est le film, pardon. Ah oui, voilà. Et donc. Je vais trop vite. Pour ceux, non, mais justement, pour ceux que ça intéresse, qui étaient pas nés, je sais pas, ou qui se rappellent pas de cette époque, qui veulent des infos, il y a des œuvres qui ont été faites sur cet événement, marquantes autant par leur qualité que par le contenu qu'elles abordaient. On peut citer le documentaire de Michael Moore, donc Bowling for Columbine. Voilà. Sorti en 2000. Voilà, excellent documentaire. Alors, comme toujours avec Michael Moore, 2002, partisan, bien sûr, mais très efficace, qui se pose plein de questions, des questions que peuvent se poser aussi Buffy. Donc, pourquoi, à un moment donné, ces gamins pètent les plombs, se sentent suffisamment mal dans leur peau pour vouloir tuer tout le monde et se suicider derrière. Il va essayer de chercher des réponses avec son style à la Michael Moore. En fait, il part de cet événement pour parler du nombre d'homicides par arme à feu aux États-Unis et qui monte sans arrêt. Donc, il va démonter tout ce système, montrer les quiz. Ça part de cet événement, parce qu'en fait, apparemment, les étudiants à Columbine auraient fait un bowling avant d'aller tuer tout le monde. Donc, c'est pour ça que le film... Le matin, ils font ça, ouais. Voilà. Il y a un autre film aussi qui s'appelle Elephant de Wes Anderson qui est aussi pareil, inspiré des événements de Columbine où c'est pareil, des lycéens. Alors qui cherche moins à donner des réponses éventuellement, oui, qui est plus un excellent film. Voilà, on suit plusieurs personnages, dont ceux qui vont finir par tuer une journée sur une journée de lycée. C'est l'espèce de piste, ça donne pas une explication pourquoi ils ont fait ça. Il y a plein de. Voilà, Palme d'or, tout simplement, à Cannes. Ouais. Cannes en ce moment d'ailleurs, on enregistre sur la croisette. Oui, en fait j'ai quitté une soirée là avec Sophie Marceau pour revenir avec. On n'a pas dit aux gens. On n'a pas dit qu'on était à Cannes, tout à fait. On est sur la croisette. Voilà. On a emmené la télé avec nous. Mais... C'est pas très intéressant, mais oui, mais on peut dire ça. D'autres choses. Vous avez vu le court métrage qui a inspiré Elephant? C'est l'éléphant, ça me dit quelque aussi. Chose. Ouais. Moi, si je l'ai vu. Peut-être pas, je sais plus. Ouais, tu peux nous en dire deux mots En fait, oui, vous pouvez nous en dire deux mots, Clément. Et oui, je peux vous en dire deux mots. En fait, on suit une série de meurtres perpétrés froidement, comme ça, sans dialogue. C'est juste des gens qui arrivent, qui butent d'autres personnes et qui s'en vont. Avec des plans séquences, en fait. C'est des plans. La caméra suit quelqu'un et c'est chaque fois des situations. Bon, tu reconnais des personnages, donc tu peux faire des liens entre plusieurs histoires. Mais c'est toujours ça. C'est une demi-heure ou je sais plus combien de temps de meurtres froids, sans dialogue. Mais c'est pas ça, c'est une situation et au bout d'un moment, paf, il y a un meurtre. Mais ça monte. Oui, mais ça raconte toujours pareil. La caméra, on se dit comme derrière, ça suit le personnage qui marche. On voit pas souvent sa gueule. Qui marche. Il tue quelqu'un, il s'en va. Et c'est ça pendant un moment. Et au bout d'un moment, ça te. c'est super drôle ce podcast. On reprend en beauté là, hein, avec Elephant là. Parce que, non, mais c'est certain, il choisit un épisode comme ça aussi. Mais c'était important de remettre dans le contexte aussi. Exactement, je pense qu'on peut pas mieux parler de cet épisode en parlant pas de ça. Et ça ressemblait avec autre chose, avec un livre. Figurez-vous, un livre Buffy que je vais montrer à la caméra. Bien sûr. Voilà. Personne ne le verra. Non, mais attends, donne. Vas-y, fais-nous un beau plan. Tu es réalisateur. Le livre, c'est The Evil That Men Do, ce mal que font les hommes. Que font les hommes, c'est ça. Donc, c'est un livre qui était donc un livre Buffy, une histoire originale, qui était censée sortir justement aussi à l'époque de Earshot. Et la sortie a été annulée. Et là, c'est encore plus flagrant. Donc, le livre est nul à chier. Ne le lisez pas. Il est vraiment très, très mauvais. D'accord. On vous a déjà parlé des livres. On vous a déjà parlé de Buffy de la qualité inégale, vraiment très, très inégale. Celui-là fait partie du bas du panier. Alors, celui-là, c'est le plus mauvais que j'ai lu. C'est vraiment très, très Okay. Et au début, par contre, y a des scènes complètement folles. Un lycéen qui va avec un fusil au lycée et qui, là, c'est très grave, il tue vraiment des gens. Il y a 5-6 morts dans le lycée de Sunnydale. Il prend en otage Jace, Willow, Xander. Willow finit à l'hôpital parce qu'elle a pris une balle dans le bras ou dans la jambe. Ça va très très loin. C'est hyper dérangeant. Moi, j'étais vraiment pas bien en lisant ça parce qu'on n'a pas l'habitude de voir nos héros dans ce genre de situation. Et très très très froide, très violent. Ça m'a l'air à côté de la plaque au niveau de et voilà, c'est la série, non ? C'est, voilà, c'est comme, voilà, ça n'a rien à voir avec la série. En plus, ça parle de drogue et tout. En fait, il est sous l'emprise de la drogue, hein, une drogue spéciale faite par des vampires. Mais c'est tellement malsain et on n'a pas ce côté second degré du fantastique qu'on a dans les épisodes. Donc cet ouvrage, The Evil That Men Do. Ah oui. Donc a été la sortie a été retardée de plusieurs mois également et donc aussi on le comprend quoi. Voilà, on a bien je pense expliqué le contexte hein, le contexte de un épisode particulier finalement de cet épisode. Est-ce que ce sera pas le moment de faire un petit pitch, Riley? Est-ce que vous avez fait un pitch? Si j'ai préparé un petit pitch. Ah voilà. Il y a 4 lignes en même temps. Après un combat contre des démons sans bouche, mais avec une queue, c'est très important. Uh-huh. Ouais. Buffy découvre qu'elle est capable de lire dans les pensées, donc un pouvoir génial, qui en fait se transforme rapidement en malédiction, voilà. Surtout lorsqu'elle découvre qu'un élève a décidé de tuer tous ses camarades. Il a décidé. Voilà, c'est pas vraiment un. Il a décidé. Il a décidé. C'est pas vraiment un élève, on sait pas trop, il y a une voix bizarre. Ils vont mener l'enquête. C'est ça qui est très cool dans cet épisode, c'est que c'est un épisode de série policière. Alors. Est-ce que ça fait très longtemps, ça fait déjà une demi-heure que ça tourne, oh là là. On nous a dit, je crois que c'est Lily qui nous a dit qu'on était trop long. On est méga long, ça va pas du tout. Ah. Alors moi, on vous signale que nous enregistrons un vendredi soir et que en ce moment il y a Koh-Lanta à la télé. Non, mais... Donc on m'a demandé de faire des points Koh-Lanta. Non, il va pas spoiler Koh-Lanta. Je vais immédiatement vous signaler que c'est l'équipe des Rouges qui a gagné le totem d'immunité. Ça vous dit n'importe quoi. Riley, notre Denis Brogniart. Il n'y a plus qu'une seule équipe. Mais Riley, un commentaire. La réunification est déjà passée. Un commentaire, Riley, vous avez un commentaire? Vous êtes fan de Koh-Lanta, il paraît, non? Bah, j'ai failli pas venir au podcast. Hein, mais... Ah, très bien. Non, mais je regarderai en replay. En replay, voilà. Rassure-toi, tu verras, t'inquiète. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? On va lancer le top magnéto. Allez. Alors, chez vous, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre. Avec quoi d'autre on peut doigt, avec un doigt, avec un doigt, de votre doigt, un doigt, voilà, simplement. Sur une tablette, vous avez un écran tactile, je ne sais pas. Et je vais lancer l'épisode de Buffy, Earshot, voix intérieure en VF, dans 3, 2, il va dire top. 1, taupe, je lance l'épisode. Putain, faut que je pense à baisser le son, sinon ça va gueuler. Et voilà, c'est parti avec un preview si magnifique qui nous raconte l'histoire de la saison 3, tout ça, l'ascension, Faith qui a changé un peu de camp. On entend beaucoup vos feuilles, ouais. C'est insupportable. Et on va arriver très, très bientôt avec du très classique, hein, je prends un peu d'avance, avec notre tueuse de nuit. Ça fait trois mois, de nuit en train de bastonner. Donc ça c'est très classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'elle n'est pas en train de se battre contre des vampires, mais contre des démons tout nus. Assez bizarre. Donc on n'est pas non plus dans un cimetière, mais dans une sorte de parc, on sait pas trop. Enfin, on reconnaît évidemment le parking de la production qui était transformé à chaque fois en un lieu différent de Sunnydale. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un plan très très court des deux démons l'un derrière l'autre. À la première vision, on comprend pas forcément la signification, mais quand on connaît l'intrigue, on se rend compte qu'en fait, c'est pour montrer que c'est des démons télépathes. À ce moment-là, donc c'est des démons qui n'ont pas de bouche. Enfin, en tout cas, leur bouche ne peut pas s'ouvrir. Et on voit qu'ils, comme s'ils communiquaient entre eux. Non, je trouve que ça se voit pas trop, moi. Mais bon. Bah, c'est ça. C'est vraiment un truc que tu. Une fois que tu le sais, peut-être quoi. Voilà, c'est ça. Tu te rends compte de l'intérêt de ce plan qui donnait l'info comme quoi les mecs, les démons se parlent entre eux et même l'autre a peut-être lu dans les pensées de la tueuse en se disant oh là, faut que je me barre. C'était une bonne scène. Hein. Pour une fois, c'était pas des vampires. Ouais, ça change. Ils ont un sang à la Predator en plus, donc ouais. C'est cool. Alors, ils ont une queue, Riley, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui. La queue, alors elle n'est là que parce qu'il y a une vanne plus tard sur Buffy qui a peur de se voir voir une queue poussée. Et parce que figurez-vous que Joss Whedon détestait que les démons aient des queues, il trouvait ça ridicule. Et donc, il a raison. Jane Espenson a insisté pour qu'il y ait une queue. Seulement grâce à cette vanne que Joss trouvait drôle, donc ils ont le droit d'avoir leur petite queue. Mais les blagues sur les queues, c'est souvent drôle, hein, de toute façon. Bah, ça ne fait pas rire tout le temps, Joss. On rate tout le générique de la saison 3 qui est très très cool. Qui est très très bien, surtout qu'il finit par le plan Whedon, le meilleur plan. Non, mais c'est Whedon. Le meilleur générique. Attention, générique, il est maintenant, il est là. Bah, c'est juste au moins le meilleur générique de la série. Après, je suis assez d'accord avec ça. Nous arrivons à la bibliothèque. Vous, la première scène, on a donc le Scooby-Gang qui cherche à savoir ce que le méchant maire de Sunnydale a en tête. Donc, parce qu'ils savent qui veut détruire le monde lors de l'ascension, mais ils savent pas vraiment ce que c'est l'ascension, tout ça. Le maire qui est donc le bad guy, le big bad de la saison 3. Tout à fait. Et c'est drôle de voir que sans le savoir, Buffy vient de choper en fait le pouvoir de lire dans les pensées. Et en fait là, elle cherche à savoir ce qu'il a dans ses pensées. Donc c'est un peu drôle. L'intrigue générale rejoint l'intrigue de l'épisode. C'est marrant, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Ça n'ira pas plus loin. Oui, c'est ça. L'intrigue générale elle est légère sur cet épisode. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un standalone. Il se tient très bien tout seul, ouais. Bah oui. On va voir Wesley Windham Price qui va arriver bientôt. On l'avait jamais... pas vu dans le podcast. Ouais. Ah, on l'a peut-être aperçu. De... Ah ouais. Enfin, on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler énormément de Wesley. Est-ce que ce sera pas le moment de dire deux mots sur ce personnage et ce comédien ? Tout à fait. Vous aviez préparé quelque chose ? Oui, moi j'avais un truc super intelligent à dire, donc c'est maintenant. Je trouve... Mais en fait, ce qui m'embête, c'est qu'on le voit pas. En fait, ça va mieux si quand je le dis qu'on le voit. Enfin bref. Non, mais je te dirai tout à l'heure. Bah d'accord. Raleigh, vous avez fait Alexis Denisov. Voilà, il est là. Voilà. Alexis Denisov. Voilà. Je trouve qu'il a un jeu volontairement exagéré, mais qui le caractérise parfaitement. Non, en fait, c'est parce que dans Buffy, il est moins bien que Alexis Denisov, donc qui joue Wesley. Il est dans Buffy, donc c'est un cool perso. Il vient remplacer Giles et tout, mais il est génial dans Angel surtout. Là, justement, il est coincé, comme tu dis, il sait pas où se placer. Dans Angel, il est viré du conseil des observateurs et il fait partie de la team. Et le personnage a évolué de ouf. Le personnage évolue, ouais, il est génial. Alexis Denisov qui est aussi un des acteurs fétiches de Joss, il joue dans plein de trucs à lui aussi, hein. Tout à fait. Le film Machado Black Nothing où il a un rôle important, et c'est aussi le mari de Willow, hein, je crois qu'il se rencontre. Et dans les Avengers aussi. Quoi, People, Sarkman, ça va vous plaire, c'est le mari de sont des enfants de Willow. Wilson Hennigan. Comment? Alors, on en direct, Sartouane, s'il vous plaît. Beaucoup de trucs, hein, quand même, Alexis Denisov. Si. Ils sont en train de parler donc du démon. Bon, on en reparlera plus tard. Oula, on n'a pas le temps. Le but, oui, priorité au direct. On est très très en retard. Nous sommes dans le couloir du lycée. Et donc, on a encore une histoire de Buffy qui essaye de savoir ce qui se trame dans la tête de son amoureux Angel. L'intrigue. Angel Buffy à ce moment-là, je trouve ça moyen quand même. Saison 3, la fin de saison 3, il est temps que ça se termine. Voilà, et puis là, c'est histoire de rattraper pareil l'intrigue de l'épisode. Qu'est-ce que les gens ont en tête ? On a l'introduction d'un nouveau personnage, un personnage secondaire de cet épisode, Hogan Martin. Le champion de basket. Champion de basket qui s'appelle comme ça parce que figurez-vous que c'était un pote gymnaste de Jane Espenson à l'époque de son lycée. Et pour les fans du personnage, hein, il y en a peut-être, il revient dans la BD Hunted. Donc la BD manifestez-vous Buffy. À les fans de Hogan. C'est ça. La BD Buffy. Comics Buffy, donc Hunted, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, les comics qui étaient écrits pendant la série, pas les nouveaux, nouveaux saisons 8, 9, 10, tout ça. Ceux qui étaient écrits pendant la série. Donc celui-là, c'est Hunted, qui avait été écrit par Jane Espenson, et on y retrouve un Hogan traumatisé par les événements de l'ascension, par tous ces morts qu'il y avait dans le lycée. Enfin voilà, cette thématique est quand même très très présente. Elle aime bien ce perso finalement, Jane Espenson, c'est marrant. Elle l'a créé là, et puis quand elle écrivait la BD, elle s'est dit tiens, ce serait marrant. Parce qu'il n'intervient jamais après ce mec. Percy, on a aperçu aussi, on le voit régulièrement. C'est... Bah, et là en fait, on l'avait cours avec Willow. On l'avait vu dans Doppelganger. Oui, tout à fait. Et là, elle le réintroduit parce que comme le dit Jane Espenson dans les commentaires audio, il y a de très bons commentaires audio de cet épisode. Elle explique qu'elle avait besoin d'introduire de nouveaux personnages secondaires parce qu'il va avoir une intrigue d'enquête policière. Donc il faut des suspects, ouais, c'est ça. Donc il fallait plein de suspects potentiels. Là, au tout début de cette scène, il y avait un plan, on l'a loupé, avec un clair-obscur magnifique de Giles dans son bureau, avec un reflet dans un miroir qui était très beau, mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, c'était le grand intérêt de cette scène. Outre. Signifié, oui, tout à fait. Ouais, et puis après, il y a plein de blagues. Infect, Giles Infect. Voilà, c'est très drôle ça, non ? Non, mais oui. C'est mieux dans la série quand tu racontes peut-être. Il y a de grandes chances que je sois moins bon comédien que Sarah Michelle Gellar. Il y a un peu de ça. On n'a pas vu aussi, mais Buffy se gratte la main depuis le début de. Si, on l'a vu justement. La mise en scène a un peu insisté dessus. Et c'est un truc classique un peu de film d'horreur, ça, le grattage de main. Voilà, la quand t'es parasité par quelque chose, machin qui t'envahit ton corps, voilà. On aborde encore un thème classique. Ou alors c'est une métaphore du stress et de l'eczéma, tout simplement. Ça peut être ça. Pauvre Buffy. On a vu un plan le clocher là. Oui, contre-plongé. Sartman, super anecdote, le clocher a été construit pour cet épisode. Le clocher avec l'horloge. Et oui, tout à fait, tout à fait. On l'a jamais vu avant dans le lycée. Si vous pensez être un faux fan parce que vous aviez jamais remarqué ce clocher, rassurez-vous, non. Et il vient d'arriver et il restera donc. Construit exprès pour la fin de l'épisode en fait. C'est construit ça exprès pour cet épisode et sera bien évidemment et détruit, spoiler alert, quand. Est-ce qu'on peut arrêter de dire spoiler alerte dès lise. Qu'on dit un truc, s'il vous plaît. Il y a une dictature sur ce spoiler, moi ça me. Ouh là là. J'aime beaucoup cette scène autour du. avec les groupes là. Mais, oui, alors, mais oui, c'est cool. Willow et Buffy qui parlent de leurs histoires de mecs, mais Xander et Oz après qui regardent les Pompom Girls en disant qu'elles se sont améliorées en orthographe. Oui, oui, oui. C'est très, très de Pom, Oz. Pompom Girls, dont Charisma Carpenter, Cordelia qui joue une tout à fait. Pompom Girls. Bah, que je connais, je connais très bien, certains, je vous l'ai pas dit. Est-ce non, que sur les réseaux sociaux, tu as mis la photo vous avez mis la photo avec Charisma Carpenter? Oui, je suis en photo sur les internets. Ah d'accord, mais en plus c'est vrai, hein, on plaisante pas les gars. Moi je pense que c'est un montage. Et bref, Charisma Carpenter, vous arrêtez pas de dire qu'il fait des bonnes vannes, Oz, et c'est le moment de le... Bah, il fait des très très bonnes vannes, vous n'avez pas lu le conducteur. Il les enchaîne. Donc je voulais finir ma phrase. Charisma Carpenter a été une vraie pom-com girl, on avait parlé pendant le podcast The Witch, et là ça se voit, même Witch tout court, là ça se voit très bien, une souplesse de jambes. Elle connaît bien, elle est très à l'aise, elle est très très à l'aise. Qu'est-ce qu'elle est belle, parce qu'elle a été pom-com girl professionnelle, hein, pour une équipe de professionnelle de football américain. Donc là oui, donc Buffy parle de ses problèmes à Willow. Willow s'en fout complètement, hein. Elle préfère crier le nom d'un basketteur nul, fameux Percy là. Parce qu'elle aime bien. Toi t'aimes pas ça, ouais. Ben alors j'ai un souci dans cette saison 3, c'est que je trouve que mes personnages, le Scooby Gang, ils sont moins losers qu'avant, ils sont plus dans le côté populaire. Vous voyez là, ils sont potes avec des basketteurs, voilà. Et moi, tu trouves pas que ça les sort de leurs caractéristiques un peu habituelles? Ah ben moi j'aimais bien. Moi j'ai bien aimé ce petit décalage où Willow elle s'intéresse aux footballeurs maintenant. Ça change un petit peu. Mais tu vois, les persos, ils évoluent. Et puis c'est justifié dans le scénario. Elle parle de Percy. Elle le dit qu'avant qu'elle s'intéresse au basket. Elle se découvre, elle est surprise d'elle-même de s'intéresser au basket. Puis c'est en accord avec ce raconté. Ça se tient. Moi, je préférais les persos évoluent. Je préfère mon Scooby Gang loser qui se faisait vanner par les riches et les beaux. Ils sont pas les plus populaires. Et c'est juste que maintenant, les gens les connaissent aussi. Quoi. Ils ont tous sauvé. Ils sortent de leur stéréotype. C'est priorité. Et c'est même le thème de la saison 3 avec l'ascension. Incroyable. Les lycéens se rebellent et affrontent la mer. Très bien, mais ils sont moins stéréotypés. Quand je dis priorité au direct, mais là, c'est Angel Buffy. Ce soir, saison 3, on te troll un peu le priorité au direct. Voilà, sauf que quand je dis priorité au direct, vous devez fermer vos gueules. Ah ben on rate tout là. Ça Angel dépend, parce que là, en fait, c'est il y avait juste un plan formidable où il y a une très bonne utilisation de ce petit bout de rue avec Buffy qui était dans la lumière du lampadaire, Angel qui arrive du côté forêt, du côté ombre, sombre et tout. Et c'était intéressant qu'en plus il rentre dans la lumière par une petite porte, hein, dans cette petite barrière. Encore une porte. C'était très très bien fait. Et après voilà, ce plan est génial où on voit c'est Buffy qui rentre, enfin aucun couple ne se balade comme ça avec la meuf devant et le mec qui est genre c'est un couple de série quoi. Le mec est genre un mec derrière. Game of Thrones, toi. Le mec est genre un mètre derrière. Game of Thrones, c'est que ça. Il est c'est que des scènes comme ça. Il est vraiment en mode stalker, c'est vraiment ça, toute cette mise en scène est criante pour définir ce personnage qui se montre, qui se met toujours en mode paternaliste, en mode grand sage, je vais t'apprendre des choses jeune fille. Il est pas bien en saison 3, Angel. Il est toujours derrière elle et en retrait, en mode protecteur, sauf qu'il est même nul en protecteur parce qu'il lui fait un énorme mensonge, et il lui finit par lui dire I'll always be with you, je serai toujours avec toi, ce qui est totalement faux. Et ce qui très classiquement une phrase de père à son enfant, voilà. Buffy Buffy n'a plus besoin de ce genre de relation maintenant. Casse-toi, Angel. C'est elle va chercher une certaine forme de liberté très prochainement. Oui, Libra, Oz change de couleur de cheveux assez souvent, en effet. Tu fais bien de le ça leur arrive de le signifier. Il dit en VF dans l'épisode je sais plus lequel. D'accord. Qui change de coupe de cheveux. Ouais, parce que Willow il dit t'as changé de couleur. Je sais pas ce qu'il dit en VO, mais je me rappelle très bien la VF. Il dit, c'est là que ah, tes cheveux ont changé de couleur. Et lui disait oui, ça leur arrive. Mais Oz est drôle. Oz est très drôle. Le fait qu'il ait pouvoir, cette histoire de lire dans les pensées, ça arrive assez tard, hein, quand même. Dans l'épisode. De l'acte. Ouais, non, c'est génial. Bah, c'est normal. Bah, non, moi, je trouve ça très bien écrit, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ah, comme d'habitude. Peut-être que Jane Espenson écrit très bien, alors. Mais oui. Alors, juste, pardon, je reviens sur cette scène est géniale. Les dialogues sont classiques, typiques de filles. Mais oui. Non, mais je suis pas vous voulez dire. Ouais, on a vu plein de trucs tout à l'heure pendant la scène des Pumpkin Girls. Pardon, désolé. Il y avait un plan sur ils insistent sur un porc. Tu sais, il y a un gars déguisé avec un costume de porc. Ouais. Qui est le symbole, apparemment, de l'équipe de football en question. Et je voulais ça. Et comme le porc va revenir, je voulais qu'on... Le porc va revenir. Bah oui, à la fin de l'épisode, on va le revoir et vous l'avez pas noté ça le plan sur le porc. Pardon, j'étais en train de manger, je vous ai écouté absolument. Mais non, mais c'est le plan sanglier. Sur le porc. Le sanglier, c'est la mascotte, sanglier, voilà. C'est la mascotte du lycée. Oui, oui, mais il y a parlé d'un porc. C'est les Razorbacks, c'est les Razorbacks de Sunnydale. J'avais compris, mais voilà, il y a un plan qui insistait vraiment sur lui. Voilà. Parce que c'est parce que. Je pensais que t'allais revenir la mécanique d'enquête. Le porc est suspect. Le mec déguisé en cochon C'est voilà. Mais c'est peut-être le alors, Jane Espenson non, écrit très bien. Clément, vous êtes fan de ce personnage, de cette mascotte. on la voit aussi très très bien dans l'épisode Witch, justement, où avec le premier match de basket de l'équipe de Sunnydale qu'on voit. Alors d'accord. Et il y a cette mascotte. Priorité directe. On est sur la scène géniale là. Ah oui, on est donc le pouvoir se déclenche. Le Buffy à la fin de la scène précédente, donc qui correspond à la fin de l'acte 1, Buffy a appris, enfin s'est rendu compte que son pouvoir c'était de lire dans les pensées. Donc là, début de l'acte 2, elle lit dans les pensées. Et là, cette elle scène marche dans le couloir du lycée. Exactement, et cette scène est formidable parce que c'est un résumé elle toute seule de toute l'intrigue. C'est-à-dire qu'au début, Buffy est contente, elle apprend plein de choses marrantes, elle kiffe son pouvoir, et en fin de scène, elle trouve ça un petit peu dérangeant, voire beaucoup. Et donc, elle quitte le couloir parce que tous les mecs n'ont l'air de penser qu'au sexe, ce qui est très étrange. Sourit, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle se rend compte que le pouvoir. C'est cool en fait. Elle entend les pensées de tout le monde. Au début. Et elle va, elle se rend compte maintenant qu'elle va pouvoir l'utiliser égoïstement entre guillemets. Elle a également appris dans l'ellipse que Snyder avait une chanson en tête en permanence. C'était Walk Like an Egyptian des Banglers, je sais plus le nom. Ce qu'on a écouté tout à l'heure. En tout et cas. Voilà, c'est ce qui a justifié des Bangles, qui a justifié donc notre générique début. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on est dedans. Et donc là, Buffy explique à Giles donc son pouvoir, nouveau pouvoir. Ouais. Et elle dit qu'elle va pouvoir s'en servir, c'est une tueuse géniale, et Giles il hésite. Ouais. C'est Giles qui dit ça. Et c'est ça, et Buffy. Dit, je peux faire mieux. Je peux faire mieux, et donc c'est là que ça rejoint sa vie normale. Elle répond aux questions. Xander qui baille, moi je trouve ça complètement génial. Cette scène est géniale. Voilà. Toute la scène de classe. On est dans la salle de classe, et Buffy va utiliser son pouvoir avec de mauvaises intentions, par jalousie. C'est le premier mot de cette scène qui est dit. Oui. Donc les jeunes sont en train de faire une analyse de la pièce Othello de Shakespeare. Alors c'est marrant parce que au départ donc c'est Joss qui a écrit cette scène, évidemment. Enfin, comme par hasard, c'est la meilleure scène et c'est écrit par Joss. Là, mais comme souvent, quand il y a des références à Shakespeare, comment on peut divorcer de ce mec? Il s'y colle. L'idée, c'est que dans la première version, Jane Espenson, elle avait écrit un cours d'histoire sur Henri VIII et Anne Boleyn. Vous savez, Henri VIII, c'est le mec qui a répudié ses femmes, ça, qui a fondé son église, ouais, tout ça. Tout à fait. Donc un cours d'histoire. Un mec sympa. Un mec génial. Et ce cours d'histoire, on va le retrouver quand même dans l'épisode quand Monsieur Beach se fera interroger par Cordelia. On le verra en train d'effacer son tableau et on verra que c'est un cours sur Anne Boleyn. Bref, c'était un petit détail. Mais le coup, cette scène avec Joss Whedon, donc, qui a écrit donc cette scène, fait des liens entre l'intrigue d'Othello et l'intrigue de Buffy. Il voyait plus de liens entre cette pièce et l'intrigue du jour. Dans Othello, pareil, il y a plein de gens qui s'imaginent qu'ils se sont fait tromper ou que voilà, oui. Ou que des gens sont méchants, tout ça. C'est beaucoup de gens qui voilà, et c'est un peu ça le thème. Si on devait dégager un espèce de thème principal à cet épisode, ça serait les gens qui s'imaginent des choses sur les autres, alors que non. Lire dans les pensées, en fait, c'est pas un pouvoir. Ça remet, c'est... Les gens sont malheureux parce qu'ils s'imaginent que les gens autour d'eux sont plus heureux. Et en fait, c'est pas vrai. Tout le monde est malheureux. Ouais, voilà. C'est plutôt ça. Ouais. Et tout le monde ne pense qu'à soi aussi. Ça, c'est important. C'est ce que dira Buffy à Jonathan beaucoup plus tard. On a vu aussi le personnage du journaliste. Du journaliste du lycée aussi, qui va être aussi lui un des coupables potentiels après quand ils vont mener l'enquête. À partir du moment où Buffy aura sa. C'est ça, tous ces personnages. Sa crise qui s'arrive très bientôt. Parce que là, Buffy réalise donc dans cette scène avec de salle de classe qu'elle utilise son pouvoir de mauvaise façon, entre guillemets. Elle va pas l'utiliser beaucoup mieux. Comme là. Diago. Elle va essayer de soutirer les informations à son petit copain. Ouais. C'est pas beaucoup plus intéressant. Qui est vampire et qui a donc un rideau pour se bouger le soleil, mais pas de porte. Bon. Pourquoi pas? Bon, Angel, il est pas au top. Faut vraiment qu'il parte. Parce que là, en plus, au niveau du jeu, c'est n'importe quoi. Je pense que David Boreanaz savait déjà qu'il allait faire sa série. Hein, et là, il en a plus rien à foutre. Et donc là, il regarde pas l'actrice, par exemple. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Cette scène, c'est n'importe quoi. Buffy lui parle et l'autre, il regarde ses pieds. Enfin, ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il connaît pas son texte. Pendant 5 minutes, il cherche son texte là. Je pense qu'il y a un assistant en dessous avec le texte, je pense. Je vois pas d'autre explication. Je vois pas pourquoi il regarde ses pieds. Non, c'est pas vrai. J'aime bien cette scène quand même parce qu'il va deviner que Buffy essaye de lire dans ses pensées. Et après, il va démonter tout. Tous les sentiments de Buffy, lui montrer tu ressens ça à cause de ci, à cause de donc ça. Donc il enregistre là. C'est comme s'il pouvait lire dans les pensées, mais qu'il avait pas le pouvoir. Et ça va se retrouver après avec d'autres personnages de l'épisode. En fait, pour expliquer que le fait de lire dans les pensées, si tu connais bien quelqu'un, T'en as pas besoin, en fait, d'un pouvoir comme ça. Et donc Angel, il connaît Buffy par cœur, quoi. Il faut amoureux. Si tu t'intéresses à la personne, si tu parles vraiment avec elle, c'est aussi ça. Si tu l'écoutes, c'est... comme il vient de faire en regardant ses pieds. Écoute. Ah si, il l'écoute. Il est énervant. Vous êtes un peu tous les deux énervants, je trouve, mais allez-y. Continuez. Bon, bref, ce salopard de grand sage, mentor Angel, fait une fois de plus la morale à la jeune Buffy. C'est un petit peu énervant. On parle du décor et de la lumière. Alors, on parle surtout du faux raccord. Budget, la il y avait un faux raccord dégueulasse. La chaîne du. Quand il était assis, la chaîne du Angel n'arrivait pas de sortir et de rentrer de son débardeur. Non, mais moi, ça me dérange pas, ça, à la limite. Par rapport au fond noir, comment il s'appelle. C'est vrai que le niveau décor, c'est mort. Parce que ça vous voulait pas, parce qu'au moins, il est en débardeur quand même. Vous aimez bien quand Angel est en débardeur. Mais après, sinon. Quand c'est Spike qui prend la place entre guillemets du vampire de la série, la crypte c'est un bien meilleur décor que l'appart d'Angel qui est là, c'est triste, un peu fake. Saison 3 ça commence à décoller, mais c'est pas non plus. Non, mais sans parler d'argent, Sartman, regardez bien quand même, c'est quand même. C'est triste, le fond est noir, voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de décor, c'est tout, c'est terminé. Il y a pas mal de décor. Je vous rappelle qu'ils ont construit un clocher pour cet épisode, Clément. Ah, d'accord. Vous pouvez pas mettre la part d'Angel. Ils ont privilégié le clocher, ils ont raison, c'est vrai. Il y a eu du taf. Surtout que ce clocher, il va se passer des trucs dedans, quoi. Donc. Et puis, par contre, la déco du clocher est très très bien, alors que effectivement, il y a qu'une seule scène dedans, c'est un peu dommage, mais. Il est bien, et les dialogues de cette scène sont très très bien. Jane Spencer, quel talent, j'ai envie de dire. Mais il regarde toujours ses pieds, et ça vous dérange. Ouais, mais ça marche bien. Moi, ça me gêne pas, plus que ça. Ah voilà. On n'est pas du matin, quoi. Je veux c'est dire, le culte. Le matin de 14h. Buffy annonce à tout le monde qu'elle peut lire dans les pensées. Donc. Voilà, nous sommes à la bibliothèque et là c'est formidable parce c'est une des meilleures scènes de l'épisode. Ouais, tout le Scooby Gang est là et chaque membre du Scooby Gang, en gros, est caractérisé par son rapport à cette nouvelle qu'il apprend. Ils vont chacun avoir une réaction différente et chaque réaction est en fonction de ce qu'ils sont. En fait, c'est très, très intéressant. Donc on a Xander qui commence à flipper parce que lui pense qu'au cul. Cordelia. Qui s'en fout parce qu'elle a dit tout ce qu'elle pense. Willow qui pense, c'est la phrase qu'elle a dit juste après. Mais oui, c'est formidable. Il a pas d'arrière pensée. Willow, elle est inquiète parce que déjà elle anticipe la suite et ose philosophe comme un malade. Qui suis-je? Qui suis-je si elle écoute mes pensées? Mais oui, c'est je ne suis pas là. D'ailleurs, donc et Wesley qui fantasme sur Cordelia. Et puis voilà, et qui se met en retrait parce que Wesley c'est le lâche, voilà, qui se. Ouais. Enfin voilà, toutes leurs réactions sont là aussi pour caractériser encore plus ces personnages qu'on connaît déjà un petit peu, voilà, lui il fuit aussi. Bah oui, cette scène est géniale. Il pense qu'au cul, alors forcément c'est le. Et alors un petit point philo, je vois que ça vous intéresse, la philo. Vas-y, non, allez-y. Arrêtez de tutoyer les gens, c'est quand même. Allez-y, charme. On a dit qu'on se vous voyait, on le fait pas beaucoup. Donc Oz part du cogito ergo sum. Je crois qu'on dit cogito. C'était il y a longtemps. J'ai fait le latin il y a très longtemps. En quatrième. Bref, exactement. pas depuis. On s'en souvient. Cogito ergo sum. Donc on traduit souvent par je pense donc je suis de René Descartes. René Descartes. Un gros bisou à René. C'est le philosophe préféré des joueurs de poker qui a popularisé en 1644 donc cette formule du cogito ergo sum dans les principes de la philosophie. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'en fait, Buffy a compris que finalement, lire dans les pensées, c'était pas un pouvoir bénéfique, mais une malédiction. Et là, tous ses amis, tout son entourage s'enfuit petit à petit autour d'elle. Bah, si tu commences à savoir ce que pensent tes amis, je pense que. Et là, ça craint. Bah, c'est très, très bien illustré dans cet épisode. Tout le monde se barre. Et du coup, t'es toute seule. Elle finit toute seule. Ouais. Voilà. Ça a très mal se passer. C'est pour ça que là, jusqu'à la fin de l'acte, c'est une grosse chute. C'est-à-dire qu'après, ça va être la scène de la cafétéria où c'est le craquage total. Bah, la chute littéralement. Et où l'intrigue véritable de l'épisode commence. En quoi. Super épisode. Intrigue policière. Intrigue policière. Et puis c'est pas une. Et où son pouvoir. Il n'y a pas de monstre à tuer. Priorité. Donc la scène, on a une nouvelle scène de couloir qui résonne comme une scène miroir à la première de l'acte 2. Donc, sauf que là. Buffy qui est dans le couloir et qui entend donc les pensées de tous ses camarades lycéens. Et alors que les pensées sont exactement les mêmes, le ton est totalement différent. La musique est différente. Le jeu de Sarah Michelle Gellar est différent. Ce qui fait que la scène entière bascule. Devient beaucoup plus dangereuse, glauque, bizarre, alors que la première scène était plutôt humoristique. Mais là, ça en rajoute une couche avec Wesley et Giles qui se rendent compte que quelqu'un a déjà. C'est déjà arrivé à quelqu'un d'entendre les pensées comme ça et a fini interné. Donc. On devient, ce don devient de plus en plus inquiétant. Ouais, tu l'entends tout le temps. On parle de schizophrénie à ce moment-là, peut-être. Et un peu ça va plus loin parce que c'est. Je sais pas, tu. Ouais, il s'est très bien montré aussi tout à l'heure quand on essaie de dormir et tout ça. Ouais. Donc là, pour l'instant, horrible, en fait. Pour l'instant, Buffy est dans la cafétéria. Moi, ce que ça me faisait penser, c'était au Jonathan. Pouvoir, au pouvoir de l'homme. Oui, on a vu Jonathan, c'est en fait super important, mais il y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Bref, gros juste épisode. Le passe vite fait. Comme l'homme invisible, après son pouvoir se retourne un peu contre elle. Voilà. Et là, surtout, Buffy est tellement paumée qu'elle a oublié de mettre de la bouffe dans son assiette. Hein. Les suspects sont là. En même temps, la purée avait l'air quand même bien dégueulasse. Ouais. Et là, c'est le moment de placer Scream, la référence à Scream. Tout le monde est suspect. Exactement. J'anticipe peut-être un petit peu sur l'histoire, excusez-moi. La caméra commence à tanguer. Ça, c'est assez bien fait, oui, la mise en scène. Elle tangue. Sauf qu'après, je comprends pas trop la réaction de. Ah, c'est après la pub, pardon. Mais oui, parce que pour l'un, là, il y a un truc pas cohérent en fait, c'est parce que toutes les voix se mélangent et d'un coup, il n'y a plus aucune voix, juste cette voix-là qui se détache. Ouais. C'est un truc de. De mixage. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est un truc de mise en scène parce que c'est pas cohérent avec le pouvoir en fait. Comment c'est possible qu'elle antenne? Ah oui, un d'accord, truc oui, bah oui. Ouais, c'est là, tu vas trop loin. Enfin, c'est un truc de scénario quoi. Oui, non, c'est pas très important quoi. Surtout qu'après, regarde, ça déclenche tout l'épisode. Elle va faire ça, aller vers les gens et en plus, t'entends les gens, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Et là, bim! Donc là, il y a un travail du son, donc on est au début de l'acte 3 maintenant. Donc Buffy a entendu une phrase énigmatique, genre je vais tous vous tuer, un truc comme ça. Demain, je vous tuerai tous. Voilà, elle cherche à savoir de qui c'est. Et là, le son est super important parce qu'il n'y a plus aucun son d'ambiance. Le seul, donc là, c'est complètement. Les pensées, ouais, c'est on ça. Est complètement dans la tête de Buffy. Donc, c'est un silence total et par-dessus que les pensées des gens. Donc il n'y a même plus les bruits de pas, les bruits de gens qui mangent. Ce n'est les vraies répliques des gens. Elle n'entend que leurs pensées. C'est une manière de nous montrer que ces deux mondes, ce monde des pensées et ce monde, le vrai monde extérieur, ben, ces deux mondes ne peuvent pas coexister. Ou au moins, Buffy ne peut absolument pas être dans les deux en même temps. On va voir que là, plutôt que de s'ouvrir à un nouveau monde, elle va s'enfermer dans ce nouveau monde et ne plus pouvoir être dans le vrai monde Buffy. Et là Buffy s'est réveillée après tomber les pommes dans le parc avec ses amis et il y a Alex qui a balancé le nom du coupable direct en fait. Presque face cam, regard cam. Savais que la cantinière voulait nous tuer et en fait ça va s'avérer que c'est vraiment ça. Pareil, ouais, ça part d'une vanne, c'est bien joué. C'est quelque chose qu'on remarque à la deuxième pas. Vision, voilà. C'est agréable quoi. La première fois, on Alex la remarque pas. Xander a raison depuis le début en fait. Il nous parle aussi de. Avec de cette chemise. Avec cette chemise. Putain, je suis en train d'y penser. Bah, on dirait un truc de pizza. Tu te foutais de nous avec les points people, là, tu fais un point fringue. Ah, bah, point ça arrive. Non, mais. Ouais. Ça arrive. Souvenez-vous que ça arrive de temps en temps, quand même. Donc, Xander nous parlait de Mulligan's 2. On ne vous voit pas du tout. Oui. Mulligan's, vous c'est voyons-nous. Le... Oui, je comprends pas le. Donc, le ragoût. Vous calmez un petit peu. Donc, le ragoût. Excusez-nous. Le ragoût Mulligan, qui est donc ça, c'est pour la culture générale, le ragoût qui était servi historiquement aux sans-abri américains au début du XXe siècle. Et donc il n'a pas vraiment de recette ce ragoût Mulligan, parce qu'en fait c'était un ragoût de reste, enfin de Mulligan, ouais, c'est mélangé, ouais, de c'est... choses qu'on recevait, enfin des dons de nourriture. Mm-hmm. C'est un gratin de reste, on dirait. Mais en écoute, France. On va briller en société. Le cercueil de la bouffe. Le fourzitou. Pour les fans de Fais Passif, pas ça. Pardon, la séquence, c'est très bien, séquence incroyable. Donc, Giles va raccompagner Buffy. Et vous allez voir à la fin du plan, c'est Giles qui va sortir du plan pour laisser nouvelle fois Buffy seule, isolée, perdue. Donc, c'est toujours cette même thématique qui revient. Ce don l'isole encore plus des autres, l'enferme dans un monde interne de pensée. On a loupé aussi Alex qui balance qui n'a pas envie de venir avec un semi automatique au lycée qui est tout et tout, tout le Scooby-Doo et tout le monde s'arrête et ouais c'était un peu prémonitoire comme si non mais hélas voilà comme si Alex lisait dans les pensées non mais surtout hélas ça montre que enfin c'est clairement quelque c'était chose déjà ancré presque à l'époque, habituel ouais, quoi aux États-Unis et en 99 c'était déjà ça même avant Columbine bah, il y avait déjà beaucoup de références comme ça. Priorité au direct, donc scène totalement incroyable avec Joyce et Buffy. Joyce qui essaye d'esquiver sa fille et qui va avoir une révélation. Et enfin, on va savoir. Voilà. Ce qu'on espérait tous. Ah, vous voulez parler de la meilleure réplique de l'histoire des séries télé qui est You had sex with Joyce voilà. Twice. Twice. sur le capot de la voiture de flic et tout, elle en rajoute des couches. Oui. C'est très très drôle. Moi, ça m'a rassuré d'être au moins voilà sur le sujet. Tu vois. Alors, moi, je sais que voilà. Mais c'est super intéressant ce que vous dites, Clément, parce que il se trouve que James Patterson a justement écrit cette scène pour faire une bonne vanne et pour vraiment préciser que Jace et Joyce avaient couché ensemble dans l'épisode Bang Candy. Donc quand les parents, les adultes, on a déjà commenté. Mangent des chocolats qui les font redevenir jeunes et fous. Et James Patterson s'était rendu compte qu'en discutant avec les gens n'avaient pas forcément compris que les deux personnages avaient vraiment consommé leur amour. Et donc elle avait voulu préciser les choses. Parce que des gens comme moi se posent la question. Oui, voilà, justement. Parce que voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, James Patterson avait aussi écrit Band Candy. Oui. Voilà. Gros bisous à Jen, frère. Là où on vient de voir Willow qui a distribué les rôles, tout le monde a son enquête à mener, à ses interrogatoires, et c'est parti. Et Willow commence avec Jonathan. Alors oui, voilà, là donc, on est. Il va un montage parallèle avec les différents interrogatoires. On est complètement dans l'enquête policière, les codes du film policier. Ouais. T'étais où à 18h? Voilà, et Willow essaye en plus de se mettre en scène pour en imposer, elle se met au-dessus de Jonathan et tout pour lui faire peur et tout. Elle essaye un peu de faire aussi ce qu'elle avait fait dans GoFish en saison 2, donc les hommes poissons avec Michael Scofield. quand Buffy, Willow décide d'essayer déjà de mener l'enquête en posant des questions à Jonathan. Et voilà, elle pose beaucoup de questions à Jonathan. Elle lui, donc en saison 2 dans GoFish, elle lui propose de réaliser ses fantasmes. Là, c'est pareil. Hein, et... Là, elle lui dit t'aurais pu invoquer des démons. Enfin, comme si c'est elle qui lui avait donné ses idées. C'est ça. Qui pousseront plus tard Jonathan à devenir superstar déjà, dans un premier temps, et à faire partie du trio plus tard. Tout vient c'est là. Comme si Willow lisait dans les pensées de Jonathan, en fait. Mais si, elle prévoit à l'avance ce qui va devenir. Alors là, elle lui a plus imprimé des idées qui lui serviraient. C'était une influence. Voilà, c'est Buffy qui a créé le trio. C'est Willow, pardon, qui a créé. On nous dit sur le chat, c'est Libra. Libra qui nous dit que Willow prend de plus en plus de confiance. Petit. C'est grave, c'est illustré dans cet épisode. Si on était dans un film après, elle tombe sur le coupable direct. Hein. Policier. Voilà. C'est vrai. Enfin, c'est le premier coupable. C'est pas le. C'est pas suspect, coupable en fait. C'est un coupable. Voilà, bon, si on était dans un film policier, elle serait le commissaire qui donne les ordres à son équipe. Voilà, elle a donné ses ordres. Et pareil, dans la façon de mener l'enquête, pareil, tous les personnages étaient caractérisés par leur manière de mener l'enquête. Oui. Donc, Oz la faisait à la cool, Willow la faisait très Alex, il drague les trois filles. Alex la faisait en obsédé sexuel parce que c'est clairement la ligne de cet épisode. Alex est obsédé. Et Cordelia la faisait droit au but sans filtre. Est-ce que vous voulez tuer des gens? Tout ça, quoi. Voilà, c'est très bien les personnages. C'était assez marrant. Et ça s'est fini sur une fausse piste un peu énorme avec le journaliste qui se planque. Voilà, la fausse piste, du moment, parce que donc c'est comme dans tout bon épisode de série policière, vous savez bien si vous en regardez. Attends, il fait de la magie à côté, regarde, il a un petit truc pour. Il fait des potions, Wesley fait une potion. Ouais, c'est Wesley, il s'y prend très très mal. L'équipe d'Angleterre de contresort tente de faire une formule magique, hein, ça va pas marcher. Hein, Ah oui, d'ailleurs, c'est là que je voulais faire un petit sondage. Ah, pardon. Oui, parce que figurez-vous que Sartman, vous m'avez raconté que vous n'aimiez pas trop la saison 3. Sartman, est-ce que vous aimez la saison 3? Confirmez-moi cette info. Je ne vous écoute pas du tout, je regardais le chat. Bah, non, mais. On est là, Suivez un petit peu le podcast. Meilleur épisode de la saison 3. Voilà le sondage. Quel est le meilleur? Il n'y a pas de proposition. Quel est le meilleur épisode de la saison 3? Parce que je considère que c'est une des meilleures saisons de Buffy. Ok. Et le salaire d'Aurélien n'est pas justifié ce soir. On est d'accord. Si, mais mon c'est salaire. C'est n'importe quoi, ce sondage. Qui s'en sort pas trop mal. C'est n'importe quoi. Attendez, parce qu'il y a aussi une énigme. J'ai dû bosser deux fois plus. Ah, on verra si. Mais ça m'intéresse parce qu'on parlera de saison 3 en conclusion, mais vous n'aimez pas trop cette saison 3. Donc il y aura débat. Priorité au direct, Buffy va très mal. Buffy en chie à fond, et donc Angel est donc le proche chevalier, bien sûr, a prévu de tuer un dragon pour sauver la princesse. Enfin, on est complètement aussi dans un dragon qui a pas de bouche. Une énorme métaphore des contes de fées aussi dans ce scène avec Larry, très drôle. Dans cet épisode. Et effectivement, là, l'enquête se poursuit et Xander reste dans sa thématique de sexe. Hein, et là, il parle avec Larry. Rappelez-vous, Larry de depuis la fin de la saison 2, pense que Xander est gay. Donc Larry qui lui. Du coup, ça crée tout le temps des quiproquos comme cette scène. Ouais, c'est génial. Larry lui a fait son coming out. Xander à chaque fois. Et alors, oui, ouais. Oui, et puis je vous rappelle qu'à l'époque, Joss Whedon, on a parlé depuis, avait déjà prévu de rendre homosexuel un des personnages, Alex ou Willow. Il savait pas encore lequel, et donc il laissait planer le doute. Ouais, ouais. Ce genre de scène, par exemple. Avec voilà. Ce genre de scène, par exemple, exactement. Et là, dans cette scène, on voit furtivement, je crois qu'on l'a passé, on voit dans un plan large, oui, on l'a passé, on voit Freddy courir à l'arrière-plan. Freddy, donc Freddy, journaliste, le journaliste. Et parce que là, il est encore là, caché dans un coin. Ouais. Voilà, parce que dans la scène d'après, on le voit éviter Oz, qui Oz fait la planque devant son bureau. Et en fait, les scènes ont été écrites et tournées dans l'autre sens, parce que justement, il devait, une fois avoir quitté son bureau, il devait passer dans le plan derrière Larry et Xander. D'accord. Mais comme les monteurs n'en font qu'à leur tête, et qu'en plus le réalisateur de cet épisode est un monteur, il a décidé en a fait encore plus à sa tête. Plan voilà. Génial, hein, avec la mère et le père de Buffy dans le cadre de la porte. Donc Giles et Judd, donc bien évidemment, père métaphorique, Giles. Et surtout, sur le pas de la porte, ils ne peuvent pas pénétrer le monde dans lequel Buffy est enfermé. Là, on chie Buffy. Hein. Mais voilà, c'est vrai. Et là, Angèle qui arrive avec une cape. On a tous les codes. Quand c'est Spike, ça passe mieux, je trouve. Du conte de fées. Le héros qui revient du monde souterrain. Fait boire l'antidote. Voilà, il a chopé l'antidote, il fait boire l'antidote à la princesse endormie. Il avait une espèce de cape pour se protéger. Enfin, Angel est complètement. Du soleil, quoi. Enfin, une cape. Bref. C'est complètement ça. Une couverture. Par contre, on n'a pas parlé du. Et le plan est très cool. Vache. J'adore le plan du pyjama vache de Buffy. Tout à l'heure, je me retiens d'en parler, mais. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Le pyjama vache, alors que ce que tu dis était super intéressant, tu vois. C'est le pyjama vache. C'est dommage. Est-ce qu'il est mieux que son pyjama sushi? Franchement, celui-là est chaud, quand même difficile. Hein, oui. Pour un épisode un peu drama comme il ça. Il pique, mais carrément, ouais. Mais la bim, retournement et voilà, de situation. Gros twist, c'est Jonathan. C'était lui. On arrive. C'était Emile, le tueur, depuis le début. On arrive à la fin. Pas mal. Je ne relèverai pas. On arrive à la fin de l'acte 3. Et comme on vous le dit régulièrement, en fin d'acte, il faut des petits twists, des petits cliffhangers pour. Hop, il se passe des choses. Et là, il y a un twist incroyable. Ouais. C'est pas le journaliste Freddy, notre principal suspect. Je viens de perdre mon conducteur. C'est maintenant Jonathan qui a un fusil dans le clocher. Vraiment construit spécialement pour l'épisode. Donc ça sent pas bon. Et c'est pas drôle du tout en fait. Là, il confronte Jonathan à Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Alors priorité Jonathan, Freddy, au passé. Juste avant, il y avait un plan unique dans l'histoire de la série où il y avait Joyce et Wesley dans le même plan. C'est le seul plan de la série. Le seul plan du monde. Alors il fallait le noter. Fallait préciser. En effet. Donc là, aucune interaction direct, avec lui qui a un costume de méchant, hein, ça se voit directement. Et en fait, retournement de situation, c'est pas lui le potentiel tueur. Lui, il a juste écrit un papier de merde. Il a juste écrit une mauvaise critique du groupe de Oz. Que Oz valide en plus, je crois. C'est vrai, ok. Et qu'il avait des saucisses à la place des doigts sur scène dans leur Ça allège un petit peu. Après ce qu'on sait sur Jonathan, quoi. Donc ça retombe totalement cette piste. C'est un peu nul d'ailleurs comme. Il a écrit une mauvaise critique. Ouais, c'est totalement une fausse piste. Ouais, mais depuis le début, tu crois que c'est lui le méchant, donc voilà. Et cette scène, elle est complètement pour quelqu'un qui débarquerait dans l'épisode, c'est complètement ubuesque ce qui se passe. Ça parle de Pom Pom Girl, de lire dans les pensées. On n'utilise pas assez ubuesque. De tueur, enfin c'est complètement fou. Et c'est un peu marqué, enfin souligné par le regard que Freddy fera en fin de séquence. Que Freddy fera. Il comprend rien. Il regardera ces gens partir, quitter la. Cordelia vient découvrir que Jonathan a écrit une lettre de suicide en fait. Mais et nous on découvre que Cordelia sait lire. C'est formidable. Pas du tout. Pardon, je suis un peu intelligente quand même. Ouais, génial. Mais oui, je sais, mais je l'adore. Voilà, tout le monde se bat. Tout se bat et les mecs sont tout seul. Et c'est très drôle parce que ce mec qui croit lui dénoncer, parce que ça, j'ai pas dit, mais c'est un mec qui dénonce, Freddy. Hein. Mm. Il dérange. Il y a toujours des complots, il y a toujours. Tout est nul. Voilà, c'est un journaliste engagé. Et lui, il croit dénoncer des vérités dans ses articles. Et il découvre qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus. Grave, tout à fait. Et qu'il en est très très très très loin, donc c'est pas mal. Donc là, Alex, on continue dans la grosse caricature. Il cherche Jonathan. Après avoir été obsédé sexuel, on le voit obsédé par la bouffe. Là, génial, Cordelia qui cherche. Regardez Cordelia. Elle est morte de rire. Ouais. Elle est morte de rire. Donc j'avais pas vu. Franchement. Elle retourne. Alors revoyez ce plan. Ouais. Il est génial. Quand elle retourne les mecs. Pour voir si qui est Jonathan. Donc c'est que des mecs, voilà, qui, avec des pulls rayés. Elle les avait pas vus avant, c'est pour ça. C'est ça. Et ça y est, au moment de la prise, elle les regarde vraiment. vient de voir Jonathan dans le clocher. Genre, elle sait pas à quoi ressemble Jonathan alors qu'elle est à l'école avec lui depuis des années. Enfin voilà. Qui sait à quoi ressemble Jonathan à ce moment. Et voilà, et surtout Cordelia voilà, a un fou rire à la fin du plan. Ce qui est très très drôle. Quelle scène géniale. Pendant ce temps-là, double saut périlleux. Buffy fait des cascades. Parce qu'après, elle fait un triple loop, hop là. Ça, c'est avec les câbles. Alors, elle fait des cascades incroyables. Et effectivement, ce n'est bien sûr pas Sarah Michelle Gellar qui fait tout ça. Bien sûr, sur les plans larges, c'est Sophia Crawford, la cascadeuse dont on parle. Et bim, elle rentre en cassant les volets. Dont on parle régulièrement. Et vous pouvez voir des vidéos de Jeff Prout. Vous savez, on parle souvent des vidéos de Jeff Prout. C'est vrai, Jeff Prout. On a dit qu'on rigolerait pas. Et il y a. Et y a qui est le cascadeur sur Buffy, donc qui a filmé plein de scènes. Voilà, et il y a deux vidéos très importantes, très intéressantes de Jeff Prout sur cet épisode. Donc la première, donc sur Sophia Crawford, sur cette fameuse cascade de la pirouette qui est faite avec des câbles. Voilà, on vous mettra les liens des vidéos. Dans l'article du podcast évidemment, et il y a une autre vidéo dont je parlerai sûrement en conclusion. Donc là par contre, priorité au direct, Jonathan, c'est la confrontation Buffy-Jonathan. Voilà, il braque Buffy avec son fusil. Buffy qui est évidemment passé entrée dans le clocher en défonçant un volet, hein. Elle pouvait pas passer par la fenêtre qui était ouverte évidemment. Bah non, parce qu'il fallait faire c'est logique. Fallait elle veut rentrer par surprise. Bah non, elle veut rentrer par surprise. Bah on veut qu'il y ait un volet qui éclate de toute façon. En plus, s'il y a plus de budget dans le clocher que dans l'appartement d'Angel, ça c'est sûr. Donc grosse conversation, on a loupé aussi fort raccord. Enfin, ou un voyage temporel, on sait pas trop. Au moment où ça c'est vraiment honteux par contre. Buffy était dans le jardin du lycée, elle regardait le clocher. À un moment donné, elle regarde le clocher, il est 12h40 et juste après, il est 10h10. Donc, non mais c'est honteux parce qu'ils construisent le clocher et l'horloge exprès pour l'épisode et ils font un faux raccord. Mais t'as jamais fait de faux raccord dans tes films, Riley ? Non mais pas sur un décor principal. Enfin voilà, ils le construisent exprès, ils arrivent à faire un problème sur l'heure. Mais attendez les gars, est-ce que c'est très très grave ce faux raccord Bah moi ça m'a gâché tout l'épisode, hein, Clément. Et toute la saison j'ai éteint à ce moment-là. Oh ouais. Cette série est nulle, Non mais c'est pas grave. Enfin moi je trouve c'est pas grave, mais je trouve ça bizarre que quand tu construis un truc spécialement pour l'épisode, tu te trompes en le filmant. Bah écoute, c'est quand même bizarre. Oui bah ça peut arriver. C'est une faute de. Bah il est monteur, mais bon quand même. Donc là, il n'y a pas de script sur Buffy, on s'en rend compte à chaque fois. Une révélation incroyable dans cet épisode. Oui. Qui donc la morale de l'épisode, c'est ce que apprend Jonathan. Les gens sont égoïstes, comme Bernard dans Les Bronzés. Chacun pour sa gueule. Même si ça n'a rien à voir avec le ski. T'es égoïste. Donc, référence aux Bronzés font du ski avec ça. Donc la morale de cette histoire, les enfants, hein, parce qu'il est primordial. Allez, on écoute. C'est très important de se foutre complètement de ce que pensent les autres, hein, car ils pensent beaucoup plus à eux. À vous, c'est une nouvelle preuve que Buffy n'hésite jamais à dire la vérité, hein, même si même quand la vérité est nulle. Et là, en plus, c'est vraiment premier degré. Hein. Janice Benson, elle l'a déclaré. Elle voulait vraiment que les adolescents voient cet épisode, et notamment au moment de l'annulation de l'épisode. Ouais. Par exemple, Sarah Michelle Gellar aussi était opposée à l'annulation. Elle pensait que pouvait avoir un intérêt. La question se pose hein, quand même. Ouais, vrai, hein. Moi je suis d'accord que l'épisode peut avoir un intérêt pour faire prendre conscience de certaines choses aux adolescents. Ouais. Mais après, une semaine seulement après le massacre qui a choqué le monde entier, enfin je sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est pour l'opinion publique que c'est gênant parce que sinon, dans l'idée, c'est le moment parfait. Non, justement. Mais non, moi je pense que c'était justement trop rapproché que les gens étaient encore dans l'émotion. C'est pour ça, pour l'opinion publique, il fallait pas. Non, mais on est d'accord, mais je comprends que la question se pose quoi. Bref, donc Janice Spencer pense que cet épisode peut avoir un intérêt pour expliquer aux jeunes qui sont mal dans leur peau que qu'il faut pas finalement. Là, il y a un plan génial, référence à Jurassic Park, la gelée Alex qui est avec sa gelée qui hésite à la gelée presque tremblotante qui hésite à la manger. Surprend la cantinière en fait de la mort au rat. Tremble moins, ouais, c'est moins drôle. Il avait raison depuis le début. Parce que c'est pas un raptor qui est en face de lui, c'est une cantinière avec de la mort au rat. Une cantinière qui est doublée par une autre personne en fait. Alors, la cascade. Oui, mais cette scène est tellement magique. Donc quelqu'un de maigre en fait. Donc déjà, c'était génial le chant contre chant entre Alex et la cantinière. Pendant qu'elle verse la mort en rage, c'était juste complètement génial. Après, t'as Alex qui se vautre, qui retourne des tables, qui est sur le point de se faire. C'est plus la même personne. Et voilà. Et là, Buffy vient d'arriver. Homme, exactement. Et là, non, justement, c'est une femme. Non, Buffy est arrivée pour lui sauver. Il y a une petite baston et dans le plan large, ouais, regardez la cuisinière, c'est haché et de rire. C'est pas la même personne. C'est la cascadeuse. Ça, c'est chaud, c'est la cascadeuse qui joue la cuisinière. Et il n'a juste rien à voir avec elle. Encore une fois, je vous trouve dur parce que je trouve que ça passe. Voilà. Ça passe. Il y a eu pire quoi. Les télés étaient plus petites en plus en 99. Et puis oui, voilà quoi. C'est bon. Banshee était pas on arrive à par là, exactement. On arrive à la dernière scène de l'épisode qui est une scène absolument géniale. Où en plus c'est deux plans ou trois plans très très longs qui se reculent devant le lycée en conversation comme ça. À la Game of Thrones toujours tout à l'heure. J'étais en train d'y penser. C'est Game of Thrones. Et avec une des meilleures répliques aussi de la série où Buffy apprend à Giles que qu'elle sait. Elle sait son lourd secret. Alors elle lui dit bien sûr avec humour. Oui, lui il se prend l'arme. If you're not too busy having sex with my mother, si vous êtes pas trop occupé à faire faire l'amour avec ma mère, donc c'est très drôle. En plus elle le dit bien fort. Hein, vous voyez, il y a deux figurants derrière qui vont passer, qui vont tourner la tête au moment où Buffy fait sa réplique. Vraiment c'est le gag est génial et bien sûr donc déjà tout le lycée l'apprend et ça se finit par. Bam, car, donc Giles qui se prend l'arme effectivement comme vous dites si bien Riley et c'est très très drôle que déjà c'est très très drôle et que c'est une idée de Anthony Head himself donc le comédien qui interprète Rupert Giles qui a proposé cette idée que Giles se prenne un arbre il a proposé cette idée à Joss Whedon. Il pensait vraiment que ça ne serait pas accepté et finalement le créateur de Buffy a dit c'est très drôle Tony, faisons-le. Et donc il l'a fait. C'est vrai que c'est très marrant. Et on est déjà arrivé à la fin de l'épisode, messieurs. Bah ouais. Et évidemment, comme d'hab, on n'a pas dit la moitié des choses qui étaient écrites sur le conducteur. Moi, je m'en suis pas trop mal. On a surtout pas dit la vanne de Big M et qui a dit à la fin de cet épisode, il y a quelque chose qui clochait. Voilà. Non, faut pas rire. Faut pas encourager. Est-ce qu'on est bien pour passer à la conclusion? On peut essayer de conclure de façon conclusive. Je pense qu'il y a moyen de conclure. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Conclusion. J'ai deux, trois bricoles, on va dire en conclusion. Alors oui. Les vidéos de Jeff Prout pour commencer. Allons-y. Parce que donc j'en ai cité une première dans laquelle on voit Sophia Crawford, donc la cascadeuse qui doublait Buffy. On la voit faire la pirouette pour aller sur le toit du lycée. Donc on vous mettra cette première vidéo et on vous en mettra une deuxième qui est très cool. Donc aussi sur la chaîne YouTube de Jeff Prout. Allez voir toutes ces vidéos. Pardon, ça fait 3 mois. je savonne un maximum. Ça fait 3 mois. Je me rappelle plus comment on fait. Et donc oui, Jeff Prout a mis une autre vidéo qui est là. C'est un sujet de JT, un sujet télé qui a été fait par une chaîne de télé américaine. Donc sur les cascadeurs de Buffy. Et donc c'est très rigolo parce qu'on y voit donc l'équipe de Jeff Prout travailler. Donc on les voit en train de répéter la scène de baston, donc la toute première scène de l'épisode de baston entre Buffy et les deux démons tout nus. Et on voit que donc ils répètent toute la journée, qu'après ils tournent la nuit. On apprend aussi que Sophia Crawford, donc la cascadeuse, et Jeff, le coordinateur des cascades, venaient de se fiancer à l'époque. Ah, ils se sont mariés l'année suivante. C'était un point people très important. Et on voit aussi Joss donner des consignes à Sarah-Michelle Gellar sur le plateau. On voit 2-3 bricoles très intéressantes. Enfin voilà, ces vidéos de Jeff Prout, on en parle régulièrement. C'est vraiment des témoignages super intéressants. Si vous intéressez à Buffy, des vidéos making of, pas dégueulasses. Bah il faut avoir ça. Et ce qui est aussi génial dans cet épisode, on est sur la conclusion, on est d'accord. On est complètement en mode conclusion. Il y a eu le jingle, hein, vous l'avez raté. Oui, trop de boissons. Tous les autres personnages dans l'épisode j'ai l'impression en tout cas, ont le pouvoir aussi, ont ce pouvoir dans certaines scènes. Et ça, c'est très très bien vu. C'est dans l'écriture des dialogues, je pense que ça se ressent, et dans le jeu des comédiens bien sûr, mais c'est Willow quand elle interroge Jonathan, Angel quand il parle à Buffy, Alex quand il devine que c'est la cantinière par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les enquêtes policières? Donc on vous a dit qu'il y avait un vrai parallèle. Donc Buffy, c'est écrit comme un épisode de série surtout policière. Dans les premières saisons, mais même pratiquement tout le temps, c'est souvent des mécaniques d'enquête, hein. Le Scooby Gang enquête pour trouver le méchant, le Freak of the Week, et comment le combattre. Et Freak of the Week qui est humain cette semaine quand même. Ça c'est. Oui. Puis le mis à part le postulat le fantastique freak, en fait avec le pouvoir. Ah bah le pédofric c'était surtout le pouvoir en fait, c'était oui, c'est ça, ça que c'est ça, a dû combattre. C'était ça oui, que tout à fait. Fin de l'acte 1, le méchant d'épisode c'était lire c'était dans plutôt le pouvoir. Et donc oui, donc on y a eu là c'était encore plus marqué ce côté enquête policière, enquête criminelle, et pour boucler la boucle hein, je vois que ça parle pas mal de boucler les boucles dans le forum oui, sur les commentaires, et on peut dire que Xander finira par jouer un agent du FBI carrément dans la série Criminal Minds, donc il fera aussi beaucoup d'enquêtes. Le parallèle poussé. Voilà. Y a Lily qui nous dit sur le chat qu'elle aimerait bien parler avec son chien, parler pensée. Ah, très bien. Bah, est-ce c'est que pas vous le... souvenez de Karine et Harry, cette sitcom incroyable où AB Productions. Oui, ça y est, je l'ai. Où elle communiquait avec son chien. Mais ça s'appelait comme ça. Karine et Harry. Bah, Karine et Harry. J'aurais dû faire mon site à Buffy sur Karine et Harry en fait. Mais je vois le chien, c'était le même chien que de TéléZ en fait. C'est le chien de Columbo, ouais, de TéléZ, qui parle avec le personnage principal. Mais oui, ça me parle très bien ce. Mais c'était pas bien, je crois. Hein, j'adorais, non, mais... c'était génial. Le chien était génial. En plus, ils avaient pris un doubleur super connu, justement, celui de Columbo, ah. une connerie comme ça. Bref, voilà. Merci, d'accord. Lily. regarde cette série si tu veux. Exactement, elle a l'air de connaître Karine Harry. Je pense que c'est introuvable sur les internets, c'est pas possible. Bah oui, Lily, je lis dans tes pensées, tu as tout compris. Comme dans l'épisode. Pardon, oui. Merci Clément. Non, un bon épisode, on est bien. Donc, très très bon épisode. Un classique de Buffy, hein, on l'entend souvent d'ailleurs. Ouais, chez les fans, un bon épisode, souvent cité, ouais, c'est dans les top 10 des fans, Earshot quand même. On partirait pas sur une. Donc ça serait une énigme de Tonton Jay, c'est ça? Ah, tout à fait. Il y a une ligne de Tonton Jay. Et il y a un nouveau jingle. Enfin, nouveau, non, pardon. Ah, vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là, moi. J'étais en déplacement en Guadeloupe. Alors c'est parti. Je voudrais t'écrire les mots vrais, guider ton destin, être comme un père qui transmet et qui te prend la main. Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme. Une quoi? Plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Voilà, donc Clément qui découvre en direct. Ça fait plaisir, ça veut dire que tu n'écoutes pas du tout nos podcasts. Mais non, mais tu t'en trompes. Je l'avais entendu celui-là en Guadeloupe, mais j'étais. Voilà. Est-ce que tu nous avais suivi en live quand même? Vous avez suivi en live, et là je le redécouvre, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc une énigme rapidement, Serpent, s'il vous plaît. Alors je vous écoute. Alors là, ce qui est important aussi dans Buffy, c'est le contexte. Merci. C'est le contexte. Donc là, on est en saison. Est-ce qu'on est dans un endroit lugubre? On est dans un endroit lugubre parce qu'on est dans la bibliothèque de Tonton Jace. On est, figurez-vous, avant l'arrivée de Buffy, on est en saison 0, j'ai envie de dire. D'accord. Saison 0. Ok. C'est l'été avant la saison. D'accord. Donc Tonton Jace il est là, et puis bah, comme tous les étés, il a un stagiaire de 3ème qui est là. Il a un stagiaire nul de 3ème. Voilà, ok. Du coup, il lui colle il l'aime pas trop, il lui colle un boulot pourri. Il doit compter tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque du lycée. Quoi. Donc, t'imagines le taf. C'est chiant comme boulot. Nul. Donc il compte, il n'arrête pas de se planter. Et donc Tonton Jace il lui dit à un moment donné, bon. Billy, bon, il s'appelle Billy, hein, le stagiaire. Il dit assis-toi, tonton Jay va t'expliquer la vie, quoi. Tonton Jay t'expliquer la vie. Donc il fait une équation, il fait une sorte de solution mathématique pour essayer de savoir le nombre de livres qu'il y a dans la bibliothèque de Tonton Jay. La clarinette entre en action. Et donc, tu pourris l'ambiance. Donc, comme dans Retour à la Future, Tonton Jay s'y prend un tableau à créer, hop, il retourne et il commence à écrire au tableau. Pour connaître le nombre de livres qu'il y a dans la bibliothèque de Tonton Jace, il faut multiplier. Ouais. Non, mais là déjà tu m'as perdu. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te regarde. Ouais. Dès le mot multiplier. Je plaisante, vas-y. Il lui dit, alors il prend une craie, il lui dit tu multiplies le nombre de podcasts que Pourquoi Buffy c'est génial a fait, hors série compris, donc tous les podcasts qu'ils ont fait depuis le début. Ça fait un petit paquet. Tu multiplies ce nombre par. Le nombre d'épisodes que Jane Spencer a écrit de la série Buffy. Ok. Et tu ajoutes à ce résultat le nombre de mots qu'il y a dans le jingle de l'ennemi de Tonton Jace. Bon. Pour gagner un gros bisou, évidemment. Ah bah. Et une photo spéciale de Clément en caleçon rose que j'ai amené. Donc je vous l'enverrai. Celui qui gagne, il l'a gagné en vrai. Elle existe vraiment. Non, je sais pas s'il faut la montrer. Il faut la montrer à la caméra, bah si. Elle est formidable. Clément, c'est une photo officielle de Clément du podcast, hein, bien sûr, pas le... Est-ce que tu pourras la dédicacer, Clément? Dédicacer, une photo dédicacée de Clément en slip rose, qui existe vraiment. Si on a un gagnant, je la dédicace. Voilà, bah, y aura forcément un gagnant. Voilà, donc il y aura un article sur... Je sais pas si on le voit. Sur le site. Plus. Bah non, mais c'est mieux d'avoir la surprise, je pense. Bah ouais, mais là, du coup, c'est oui. Oui, oui. Et on passe au système Buffy tu MSA, je crois. Alors je crois que parce qu'on n'a pas d'invité, c'est dommage. On n'entendra pas le jingle. Ah, on n'a pas d'invité. Pourquoi on n'a pas d'invité? Je comprends pas. Bah, on voulait être à trois ce soir. Ah oui, on l'a déjà dit. Tout à fait, on l'a déjà dit. Oui, vous inquiétez pas, il y aura le retour des invités. J'ai conscience que un podcast avec seulement nous trois, c'est totalement inintéressant. J'en ai complètement conscience. Moi, je me fais bien chier là. Mais, surtout qu'on invite des invités de qualité comme d'habitude. Mais voilà. Mais il fallait. Moi, j'avais envie qu'on reprenne à la cool quand même, parce que ça, on a. Après cette pause, on savait pas si on allait réussir à refaire un podcast. Hein. Bah si. Bah là, je me rends compte qu'on n'y arrive pas. Hein. Donc, il nous faut très clairement des invités. Et ne vous inquiétez pas, il y aura le retour des invités la prochaine fois. Il n'y a aucun souci. Ce podcast compte dans le calcul, Big Game, tout à fait. C'est parti pour les Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Et oui, et c'est moi qui commence, figurez-vous. C'est allez, moi qui commence. Je sais pas, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a le choix? Bah non, c'est moi le chef. C'est toi le chef. Je vais vous passer un trailer, le trailer d'un film. Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Cohérence, un film de 2013 de James Ward Birkitt. Il a un nom bien. Pourquoi tu dis non, mais rien, t'inquiète. Avec donc Emily Baldoni, Maurice Sterling et Nick Brandon. Et oui, et oui ah, Nicholas Brandon, qui est là le rapport. L'interprète de Xander, donc Alex, dans Buffy contre les vampires. Donc le pitch, c'est un film, c'est deux amis hein, qui se réunissent un soir dans une maison en banlieue de Los Angeles pour un petit dîner à la cool. Des événements étranges vont arriver, événements peut-être liés, on ne sait pas, au passage d'une comète cette nuit-là au-dessus de la maison, au-dessus de Los Angeles. Donc c'est filmé au 5D qui tremblote hein, tout le temps. Ça tremblote pas mal. C'est la première chose qu'on voit et ça énerve un peu au début quand même parce que c'est en mode faux fan footage. Enfin c'est un peu relou. Même si on comprend que l'idée c'est d'apporter de la confusion parce qu'on va voir ce qui tout se passe dans le même lieu mais que les événements vont devenir de plus en plus étranges. Les personnages vont être de plus en plus perdus et voilà ce mode de filmage j'ai envie de dire. C'est filmé de la confusion. Ouais c'est façon direct quoi, cinéma du direct, c'est un peu en bon scandinave, j'ai envie de dire, avec des plans très serrés autour d'un dîner avec des personnages qui se dévoilent un peu. C'est très scandinave. Bah, c'est comme les films Festen et tout ça. Mais oui, on va vous expliquer plus tard pourquoi peut-être oui. On avait cette manière de filmer. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Nick est très cool. Il joue, il joue presque son propre rôle en fait. C'est un ancien acteur qui a des soucis avec l'alcool. Qui a joué dans une série qui a marché une fois. Et qui est plus maintenant. Et sauf que la série c'était Roswell. Oui. Ils ont changé. Il a joué dans Roswell, mais c'est pas vrai. Quoi. Voilà, ils ont changé Buffy par Roswell. C'est très drôle. Donc ouais, ce côté en plus acteur un peu sur la fin, enfin ouais, raté, puis, qui marche on plus. Comprend au fur et à mesure du film, c'est pas vraiment spoiler, mais qu'il était alcoolique avant. Voilà, et ce problème avec l'alcool, tout ça, enfin c'est plein de choses qui quand on connaît la c'est vie. C'est pas pour rien qu'il a accepté ce film. Toi, tu l'as vu son Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça en fait. Bah oui. Ah d'accord, ok. Donc c'est un bon petit film fantastique à concept. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça, mais les films à concept, c'est généralement des films qui ont pas trop de pognon, mais qui ont une très bonne idée. Bah je pense de départ. Oui, là, t'as très bien dit. Et c'est le cas. Qui vont, et là c'est le cas, très clair. $50,000 budget, un truc, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est filmé, donc ça se passe dans le salon d'une maison. Hein, ouais. La maison du réalisateur. Ouais. Et l'idée est très très forte et elle marche bien, elle est bien exploitée. Jusqu'au bout, moi j'ai trouvé que. Vas-y, bah, faut balancer le pitch de départ quand même. Non, je veux pas aller plus loin que ce que j'ai dit en fait. Ah ouais? Ah ouais, parce que non, je veux vraiment que les gens, si vous avez pas vu le film, je suis d'accord. Je veux pas vous en dire plus. Ouais. Que vous dites. Il y a une comète qui passe. Il y a des gens qui filment. Il y a une comète. Non mais ça c'est le début. Non mais la comète ça va. C'est juste le début. Ça dérange pas. Mais ça part de là. C'était évoqué. Voilà, c'est bon. Je veux pas en dire plus. C'est dommage. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais bon. Et oui, mais non. Ah oui, comme quoi. Non, bah, on fera un podcast dédié. Mais non, parce que c'est tout le principe de ce genre de film à concept, c'est que au fur et à mesure que le film avance, toi t'es là, oh, ça va très très loin. Il y a ça, il y a des couches qui se rajoutent de plus. Dîner de con. Et c'est un remake. C'est un remake du Dîner de con. Non, mais voilà, c'est plein de bonnes idées. Voilà, donc on l'a dit. Par contre, le côté un peu caméra qui tremblote, ça c'était un peu relou. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et c'est pas pour rien parce que c'est parce que en fait c'est un film improvisé. C'était un alors. Donc le réal il a créé une sorte d'intrigue. Il sait ce qui va se passer. Il a caractérisé des personnages, mais il a laissé les comédiens jouer. Les réactions à des événements un peu fantastiques, hein, on peut le dire, naturellement, c'est-à-dire des fois, t'as des passages, c'est hyper naturaliste, hyper réel, c'est parce qu'en fait, ils jouent pas les personnages, les comédiens improvisent et réagissent vraiment à ce qui se passe. C'est ça, en fait, il dirigeait quand même ses comédiens, mais la feinte, c'était de diriger un seul comédien, de dire à un comédien, il va se passer ça, toi, à la fin, tu dois dire ça. Parce qu'il y a une histoire, je veux pas le raconter. Et les autres, par contre, les autres comédiens, eux, n'étaient pas au courant des consignes qu'avait le premier et de ce qui allait se passer, ce que l'autre allait dire. Voilà, parce que et ce qu'il faut préciser, c'est que l'intrigue est quand même assez complexe, donc oui. tu peux pas te permettre. C'est pas ou par contre, il y a des très bonnes idées de mise en scène justement pour essayer de guider le spectateur sur des pistes, genre les couleurs par exemple, les tubes de couleurs. Ouais, si, mais il essaye d'apporter certaines pistes pour que tu suives l'histoire tout en comprenant rien en fait à ce qui se passe. Mais du coup, ce côté improvisation, moi je me suis dit que ça expliquait peut-être ce tremblotage et tout, que parfois même juste les cadreurs étaient pas au courant de ce qui allait se passer, donc fallait suivre ce qui se passait. C'est obligé. Donc, je pense que c'est de là que vient ce côté chaotique. Donc, ouais, pour rappel, je pense que tout se passe dans un salon, le salon d'une maison, quoi. C'est vraiment. Avec deux, trois extérieurs de la rue. Il y a des extérieurs. C'est dans le noir, important. On voit rien. Voilà, on voit qu'il y a. Mais voilà, c'est vraiment. Tout tient sur le conseil. Et donc, voilà, et pour maintenir ça, faut être super fort sur ton intrigue, sur le jeu. Et donc, c'est là où le jeu fonctionne bien. Parce que, comme vous l'avez très très bien dit, monsieur Raleigh, beaucoup de scènes sont improvisées et du coup paraissent très naturel. Et les comédiens sont très très bons. On l'a pas dit aussi. Il y a une comédienne. Je sais pas si tu l'as reconnue. Si vous l'avez reconnue, Sartman, la blonde qui joue Bess, c'est. La grande sœur. La femme de Nick Weldon. Non. Qui joue Bess, c'est donc la femme blonde aux cheveux courts. Ah oui, c'est qui ça. Qui joue donc dans le spin-off d'Highlander, l'immortel. C'est Elizabeth Grayson. Ah bon? Mais complètement. Mais oui, qui joue dans Highlander. Mais c'est sûr et certain, j'ai vérifié. On parle de la blonde là à droite là. Non, il y a une autre blonde qu'on voit pas là à l'image. Ah d'accord. Ah bah, je vais remettre Elizabeth Grayson qui joue dans L'Immortel, qu'un spin-off d'Highlander qui a duré une saison par M6. Et bah, qui a la même coiffure mais qui a plus vieilli. Quoi. Allez. On avait bon un film autre, en tout cas. On avait un autre, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Oui, tout à fait. Un vrai. Nous vous écoutons. Et en plus, j'ai peut-être un visuel pour. Voilà. J'ai une vidéo à lancer. Il y a des visuels. Spaced, donc voilà, c'est ça mon système Buffy. Tu vas aimer ça. Parce que Tim vit en colocation avec cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom du personnage. Très bien. Voilà, qui est jouée par Jessica Stevenson. C'est donc une série sortie en 99, réalisée par Edgar Wright. Donc c'est la première collaboration entre Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, évidemment. Et bah c'est un peu la série qui les a fait démarrer, quoi. Et c'est un espèce de mélange de culture pop ultra bien digéré et mis en scène, franchement, avec brio, quoi. C'est génial. C'est absolument génial. C'est deux saisons, série anglaise, deux saisons. Ouais, il y a que deux saisons et elle se termine bien, pas besoin d'en faire une troisième, effectivement. Alors, avec pas mal d'épisodes concept aussi. Et là encore, série très, très, très, très fauchée. Hein. Faut prévenir les gens. Y a rien, ouais. Ça se passe dans l'appart et deux, trois extérieurs. C'est ça, c'est plein de bonnes idées, mais c'est fauché de ouf, quoi. Bah oui, forcément, c'était le budget qu'il avait à la télé. Et enfin, voilà, ça te parle en tant que spectateur geek et pas. Et même si t'es pas geek ultra, tu piges les ce que le réalisateur veut te dire. Bref, c'est absolument génial. À voir absolument Spaced. Deux saisons, ça passe très très vite. Et alors, qu'est-ce que les fans de Buffy vont apprécier dans Spaced Bah, en fait, j'ai commencé l'intro avec ça, c'est-à-dire que le personnage principal et fan de Buffy, qui est un concentré de pop culture, fait une prière devant Buffy, quoi. Parce qu'il doit affronter une épreuve à la fin de la saison 1. Je sais plus ce que c'est. Putain, pardon. Il cherche un taf, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment. C'est des trucs du quotidien avec. C'est des mecs, c'est des losers, des colocataires losers qui. Mais ils ont. Voilà, bah, d'ailleurs, ils sont tous là, on les voit dans. Et voilà, c'est chaque... pratiquement un community avant l'heure. Exactement, quoi. Il y a un épisode voilà. Paintball. Toutes les situations du quotidien sont exagérées, en fait, sont poussées à l'extrême. Et ils en font des aventures épiques, ouais, hein, comme notre podcast. et ouais, ils en font des aventures de FPS ou de films de zombies ou de choses comme ça. Oui, quoi, ça baigne dans la culture pop à fond et ultra bien maîtrisée. Ouais, ouais, excellente série à voir absolument. Alors bon, bah si on a fini avec les thèmes Buffy, tu vas aimer ça. Allons-y. On n'a pas d'autre choix, hein. Faut qu'on passe au si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça, mais on t'en parle quand même. Parce que c'est peut-être génial. Hey Scotty, you find anything? Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors, on me demande immédiatement un point Koh-Lanta. Non, mais il va pas me pourrir Koh-Lanta. Il semblerait que le conseil ait rendu sa décision. Non, c'est pas possible. C'est un certain Moundir qui quitte l'aventure. Ah non! Pas lui. Pourquoi? Aucune éducation. Papa! Dédicace à Moundir. C'est pour toi! Vous avez un système de. Ah, c'est à moi. C'est pas sûr que tu aimais ça, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Ok, alors oui, je voulais vous parler d'un podcast audio excellent qui s'appelle Transfer, qui est proposé par le site internet slate.fr. Et en fait, donc on aime bien les podcasts à Pourquoi Buffy Génial, on en parle régulièrement. Hein. Vous-même, Clément, vous écoutez les podcasts. J'écoute Transfer régulièrement. Non, mais c'est pas une blague, c'est vrai? J'écoute Transfer régulièrement. Ah, donc on parle de Transfer, c'est ça? Et vous, Sarkman, vous regardez Transfer? Vous écoutez Transfer? Je fais mieux que ça, je l'écoute. Ouais, je l'écoute dans mes oreilles. Tout à fait. De manière auditive. Vous avez bien raison, parce que c'est un podcast en fait de témoignages d'histoires vraies. Donc c'est des témoignages, c'est des gens qui anonymement racontent une histoire au micro de Slate. Tu veux dire dans un micro peut-être? Donc une émission de témoignages, j'ai déjà dit, avec des histoires d'anonymes donc, qui racontent au micro des trucs incroyables en fait. Donc vous écoutez, vous le savez, mais bah oui. À tel point qu'on peut se demander si c'est pas faux, parce que ça va très très loin. Ça... Moi je pense que tu passes très vite cette étape. C'est-à-dire, au début tu dis non mais quand même, c'est... Ouais, c'est peut-être joué par des comédiens, et en fait de plus, voilà, plus tu rentres dans le truc. Et tu adores. Pour prendre deux trois exemples, mais c'est quelqu'un qui raconte qu'il observe ses voisins, qu'il a envie de devenir ami avec ses voisins, donc il raconte toute sa phase de stalking et que ça va très très loin. Quelqu'un qui raconte comment elle est tombée dans l'héroïne, donc c'est pas drôle du tout, mais c'est hyper émotionnel ce podcast, c'est hyper émouvant parfois. Et c'est juste en plus hyper sincère, c'est des gens qui racontent hyper sincère. Une tranche de vie d'un moment déterminant dans leur vie. Et dit comme ça, tu te dis oui, mais alors, oui, mais en fait, quand tu te mets à écouter, t'écoutes, c'est passionnant. Ouais, quoi. C'est passionnant. Ouais. Ce qui se passe dans leur vie, puis c'est pas long, ça dure 20 minutes. Quoi, ouais, c'est des épisodes de 20 à 30 minutes. Et puis ça brasse plein de sujets. Hein. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est otage au Moyen-Orient qui raconte son histoire. Bah, celui-là, c'est le plus hardcore, je trouve. Des fois, certains épisodes sont hyper noirs, hyper crus. Des fois, c'est quelqu'un qui raconte un match de foot, qui l'a réconcilié avec son père. Enfin, c'est tout plein d'histoires qui sont toujours vraies, qui le précisent bien à chaque fois, et qui ont toujours un sens, et c'est ça qui est vraiment énorme. Et aussi formellement, techniquement, c'est très très bien fait, donc c'est plus ça t'amène, ça te ouais, ça te construit, il y a un montage justement qui, on sait pas si l'interview ou le témoignage est dans l'ordre, mais une progression dans l'histoire. Et voilà, c'est la grande force, c'est que il y a une mécanique presque, on parle beaucoup de d'actes de rupture, ouais, de cliffhanger, de twist dans notre podcast, et là c'est très clairement la structure qu'ils ont choisi, c'est que il y a des moments de rupture qui sont marqués par des virgules sonores. Voilà, il y a une musique qui revient régulièrement, qui est composé généralement exprès pour l'épisode. Voilà, le fameux témoignage de ces gens est vraiment chapitré en petits paragraphes, petits moments de leur vie qui ont une importance. Voilà, et chacune se termine souvent par une petite rupture, soit un petit twist, une petite mise en bouche. Tu as envie de savoir tout de suite. C'est hyper bien structuré, produit et mixé, et l'histoire nous amène de plus en plus plus loin en fait. Au début, on se dit que oui, ça va être comme tu dis, comme si on prend le tout premier épisode, c'est peut-être celui que je me rappelle. Qui est le plus en fait, qui résume très bien le concept de l'émission. Ouais. En fait. C'est le mec qui observe ses voisins. Au début, qui veut devenir leurs amis voisins. Obsessionnellement. Quoi. Après, voilà, il veut devenir son ami. Après, à chaque fois, il franchit une étape supplémentaire. Il va de plus en plus loin dans l'intrusion, mais en même temps, il a ce détachement d'expliquer le truc. Bah ouais, bah à ce moment-là, je me rendais pas compte. C'est ça en fait qui est très très fort dans cette série, c'est que les gens racontent souvent au passé. C'est des trucs qui leur sont arrivés avant. Tu suis leur cheminement. Voilà, ils ont un certain recul sur l'histoire, et ça aussi c'est très très important dans la construction de l'épisode et du vécu du personnage. Bref, excellent podcast à écouter d'urgence. Alors, à écouter uniquement quand il y a au moins une trentaine d'épisodes déjà. Voilà, on écoute ça uniquement quand on a fini d'écouter Pourquoi Buffy c'est génial. c'est pas évident. Ça me semble évident. Mais oui, à écouter, c'est quand même très très cool. Donc, rien à voir avec Buffy, je le rappelle. Mais nous sommes dans la quand même parce que rappelons-le, ça fait une heure que ça a commencé, c'est ça. Clément, quel est scandale, c'est toujours un peu plus long cette rubrique en général. Silence. Vous avez fini avec ce transfert, faire de la pub pour la concurrence, vous avez terminé. Mais c'est pas de la concurrence. Ah non, c'est des coéquipiers. C'est un podcast auditif. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, c'est excellent. Des transferts. Excellent podcast. Ouais. Bon, Clément, vous allez nous parler d'un film, je crois. Tout à fait. Dites-nous quoi. Alors, j'ai réalisé avec vous, messieurs, ce film. Fan film Star Wars. Je pense que tu peux passer à tout de suite à l'image d'après parce que le générique est un peu long. Qui est un fan film Star Wars, en effet, qui se situe, alors très exactement pour les puristes, les gros fans de la saga, entre l'épisode, juste. En fait, au milieu de l'épisode 4, en fait, hein, voilà. Non, mais si, c'est important, parce qu'à un moment, il y a un perso qui fait une référence à ce qui se passe dans l'épisode 4. Et ça s'intéresse un peu au méandre de l'administration impériale dans Star Wars. Évidemment, je parle de notre administration. Un sujet qu'on n'avait pas vu dans le film, en fait. Voilà. Je pense que Stormtrooper, quand il s'engage dans l'Empire, on voit pas toutes les démarches qu'il a à effectuer pour obtenir son boulot. Et ben j'ai voulu m'y intéresser, mais vraiment de manière très comique. Et en plus c'est un rapport complètement avec Buffy, parce que je me rends compte que je me rappelle que Seth Green, allô messieurs, oui, Oz tout à fait, a réalisé Chicken Robot, une série qui m'a carrément influencé pour la réalisation de ce film, parce que ça prend vraiment, ça s'intéresse vraiment au quotidien des personnages de Star Wars et même du figurant, enfin du personnage lambda que tu vois dans l'histoire et qui a peut-être une importance. Enfin bref, s'intéresser au quotidien des personnages mystifiés comme ça peut être le cas pour ce Star Wars. C'est une très bonne idée. Je me suis dit, merci Riley. J'adore. Surtout que vous étiez là sur le tournage. Alors en fait, c'est une espèce d'auto-promo, voilà. Alors, certains, comme je t'ai dit, on a fait ce film, tout simplement. On peut passer à la suite, parce que là pour l'instant, les gens voient rien. Et on va pas rester longtemps là-dessus. Voilà, donc on a tourné ce petit court-métrage. Où une employée de la NPE, du pôle emploi, du pôle impérial reçoit les chômeurs de toute la galaxie, et parmi eux il y a donc évidemment un Jawa qui est un petit peu perdu, un Jedi, chasseur de primes, etc. Voilà, un Stormtrooper. C'est un clone trooper. Pardon, putain. Oui, insupportable. On en a déjà parlé, Riley. C'est un clone trooper. Il a la même combinaison que le truc, quoi. Non, mais c'est un peu compliqué. Mais en même temps, je sais que ça parle aux gens. Une armure blanche comme ça, on se doute bien que c'est un rapport avec les soldats. Les mecs en blanc. J'ai entendu quelqu'un dans le métro dire les gens en blanc dans Star Wars, en parlant de Stormtrooper. Donc voilà, écoutez, peut-être les gars. Tu parlais des clone troopers. Peut-être qu'il parle des clones troopers, en effet. Donc voilà, je vous invite à regarder ce film et à le liker, à le partager évidemment au plus possible si ça vous branche. J'en ai besoin. Ah d'accord, très bien. Super, et tu avais des rocos à nous faire, je crois. Une petite roco. C'est encore un mois, tout à fait. Oui, alors Futurama complètement. Alors, complètement. Ah, Futurama. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez vu cet épisode où Fry a cette faculté? Oh, je suis obligé là. Je connais pas Futurama. C'est une série créée par Matt Groening. J'ai regardé la télé. C'est une série créée par Matt Groening qui, dans le succès des Simpsons, a bifurqué à un moment donné avec une équipe de scénaristes qui bossent déjà sur les Simpsons à faire une série de SF où, grosso modo, on est dans du Star Trek mélangé aux Simpsons. Voilà, et encore, c'est très très drôle. Je suis très réducteur dans ma description. Et dans cet épisode-là, qui est un long métrage en fait, parce que Futurama c'est pas qu'une série découpée en plusieurs épisodes de 20 minutes, je crois, ils font. Il y a aussi plusieurs séries de longs métrages de 50 minutes, et donc celui-là, donc, il s'appelle Into the Wild. Green Yonder. Mais c'est vrai que c'est trop long de parler anglais au micro, Sartman, je te respecte. Into the Wild Green Wonder. On ne respecte pas son accent. Into the Wild Green Wonder. Mais c'est pas facile quand t'es pas habitué. Bref, où Fry, le personnage principal, est doté d'un pouvoir extraordinaire de pouvoir capter les paroles des gens. Voilà, il est téléphone. Les pensées pareil, comme dans l'épisode. Comme dans l'épisode, exactement. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer de le regarder, parce qu'à un moment, il écoute les conversations de tout le monde. Enfin, il n'a pas le choix, il perçoit les pensées. Ah, et à un moment, Snoop Doggy Dogg, qui est doublé qui est dans le futur. Par Snoop qui est dans évidemment, c'est une tête. Oui, ça se passe dans 3000 Futurama. On n'a pas dit le pitch de Futurama. C'est Fry, un mec du 21e siècle. Qui est cryogénisé par erreur et qui se réveille dans le New York en 3000 et quelques, hein, c'est ça? Exactement, oui. Et donc, il va vivre des aventures spatiales. Parce avec ses potes Bender et... Voilà. Léa. Il se retrouve livreur d'une compagnie de livraison dans une navette spatiale qui livre aux quatre coins de la galaxie avec son meilleur ami Bender, un robot alcoolique. La pilote du vaisseau Leila, qui est une extraterrestre qui n'a qu'un œil. Il y a aussi le docteur Zoidberg. C'est très très bon. Crustacé. Enfin voilà, plein. C'est parfois mieux que les Simpsons quand même. Moi je préfère aux Simpsons. Moi je trouve que c'est une autre approche. C'est formidable, Futurama. Et voilà, à un moment il y a Snoop Doggy Dogg, donc tous les personnages. Toutes les personnalités, toutes les stars des années 90 sont en fait dans des tubes, ce sont juste leurs têtes qui vivent dans une espèce de liquide qui les maintient en vie. Et quand Fry fait il passe de personnage en personnage, il tombe sur Snoop Doggy Dogg et Snoop Doggy Dogg, il pense nana à poil, nana à poil, nana à poil. Et ça me fait penser à Thunder. Qui pense au cul pendant qu'on est en train de parler d'autre chose, clairement. Buffy's Naked, oui. Voilà, donc je me suis dit que ça faisait un parfait rapport avec le podcast de ce soir. Oui, on est très proche. On va finir là-dessus, sur Nana à poil, j'aime bien. Sur Nana à poil. Toi, t'as pas de... Si t'aimes Buffy, tu veux pas... T'as pas bien aimé ça ouais, c'est bizarre ça, certain. Vous êtes bizarre. Alors, je peux vous parler de Resident Evil en VR. Ah, mais pardon, vas-y. Putain, sérieux? Le mec s'est acheté un casque VR. J'improvise totalement. Ah, mais parle-nous-en. Mais je te rappelle que j'ai fait un pourquoi. Si t'aimes Buffy, tu vas peut-être aimer ça. Et j'ai parlé du teaser. Ah oui, il a joué entre temps. Mais non, mais je sais. Et puis moi aussi, t'as fini le jeu? T'as fini? Ah, pas du tout. Mais toi, t'as pas joué en VR? Non, j'ai pas joué en VR. Oui, j'ai joué en VR. Bah, je sais. Il m'a fait tester. J'ai perdu. Quoi, vous m'avez pas attendu? Bah, c'est quand t'étais à la Réunion. J'étais en Guadeloupe. Ah oui, merde. Et premièrement, et deuxièmement, bande de connards. Mais vous n'allez pas t'attendre, t'étais en Guadeloupe. Allez. Je sais que vous voyez sans moi, ça m'énerve on trop. On était occupé. On peut arrêter le podcast et on branche la VR tout de suite, Clément. C'est possible. Ouais. Bah, moi, je suis chaud. Alors, par on vous laisse. Très très peur quand même. Alors, par contre, tu vas faire dans ton froc, tu as prévu du change? Non, mais je te dis, j'ai fini le jeu. Moi, je connais la fin et pas toi. Ah ouais, mais. Lui, il arrive pas à jouer parce qu'il a trop peur. Je tombe. Eh ben, je suis là, je suis ton sauveur. Est-ce que ce serait pas le moment de laisser nos auditeurs peinards, hein? On a. Bah moi j'ai envie de continuer, mais c'est vrai que là on est arrivé à la fin en fait. Bah je crois qu'on a plus rien à dire. Hein. Ouais. Ok. C'était un plaisir de vous retrouver. On fait saison 4 la prochaine fois alors. Donc petite précision. Donc oui, on reprend les bonnes habitudes. Ah oui. On va essayer d'en faire un tous les mois. On fera peut-être une pause cet été. Hélas. Non mais vite fait. Non mais cet été sera vite fait. Peut-être en août. On travaille tellement sur ce podcast, Clément. T'es scandaleux. Tellement de conducteurs à lire tous les soirs. Tous les soirs, des conducteurs, une fois des conducteurs. Par mois faire ça. Salopard. Je te jure. Parce qu'on est en train de préparer une soirée, je te rappelle. Bah, moi, voilà, on est occupé à faire d'autres trucs. Bah, voilà, vous l'aurez compris. Nous, on fait What's Our Feeling chez toi, à domicile. Quoi. On prépare plein de choses. Voilà. A priori, il devrait y avoir une autre soirée. On est en train de la préparer. Non, mais oui. Bon, un gros bisou à tout le monde. Facebook, Twitter carrément. Pour nous 5 suivre. Étoiles. Et on vous tient au courant de toutes les activités du podcast. Un gros bisou. Merci pour tout. Bisous. Et à très vite.